party. You're in my mind when my world goes down. Fight a cabaret, you know what about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier et s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. C'est dur, on va partir en week-end et vous allez nous manquer. Si, ça si. Non, non, autant le c'est dur, c'est pas dur du tout. Je vous dis tout de suite, on est content d'être en week-end, mais alors par contre, vous allez vraiment nous manquer. Si, c'est vrai. Mm-hmm. Toi, avec ta chemise avec des carreaux roses, tu vas me manquer. Toi, avec ta casquette à côté. Toi, la demoiselle avec des trous à ton jean, tu vas me manquer. Toi, avec ton t-shirt, vous allez tous me manquer. Toi, avec ta capuche, tu vas me manquer aussi. Le troisième rang, non, pas trop, vous n'avez pas trop me manqué. Deuxième rang, un peu, le premier rang, beaucoup. Et puis vous tous, Julie, toi aussi, un petit peu. C'est vrai, un petit peu? Non. Si, un petit peu. Ça va, mon Pietre? Ouais, ça va. Ça va, tout va bien, Guéguette aussi? Ça va. Continuez de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Continuez sur Twitter, sur Facebook, sur qu'est-ce qu'on a encore? Instagram, Snapchat. Oui, off. Qu'est-ce que t'as dit encore? Instagram. Arrête, tu passes pour une pico à un moment donné. Mais c'est parce que c'est mon accent. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, tu passes pour la mamie qui essaie de faire jeune, quoi. Mais non, mais c'est parce que je dis. Tu t'es mis sur Instagram. Mais parce que le A, je dis un. Ouais, et du coup, non, ça fait Instagram. Pour un con aussi. Arrête. Instagram. Non, c'est que tu fais Instagram. une erreur, c'est tout. Instagram. Sauf qu'à un moment donné, ça fait la vieille ringarde qui est pas au courant des trucs de jeunes. Alors, et on est sur Instagram. Je suis sur Instagram depuis très longtemps. Et pourtant, t'arrives pas à le dire. Pierre, putain. Ouais. Alors lui, il attend qu'on soit à l'antenne pour éternuer. Mais va te coucher chez toi, arrête, c'est insupportable. Mais t'es ça se contrôle pas. Mais attends, t'es le seul mec que je connais à la radio. Sans rire, oh. Mais c'est pas possible, ça fait. Non, mais apprends un peu, tu connais beaucoup d'animateurs radio qui font ça. Mais comment ils font? C'est le seul que comment ils font? Bonjour à tous. J'éteins mon micro. Mais enfin, tu peux pas te dire qu'il y a un problème, t'es le seul à faire ça. T'entends beaucoup d'émissions de radio où ils le font à la télé. Mais pourquoi tu cries avant? T'as déjà entendu Laurent Delahousse faire bonsoir à tous, il est 20h. Jamais, mais c'est incroyable. Fais-le en silence, tais-toi, quoi, bouge ton nez. Chou. Jamais vu moi ça. Moi je fais tchou. Oh pardon, c'est mon coup de gueule du jour, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Oh, c'est ouf. Bon, alors nous avons le reste de l'équipe. Loris va bien? Oui. Check Loris, ça va Stouf? Ça va. Oh, elle fait des mimes. Ouais. Parce qu'elle veut l'ouverture de son micro. Oui. Stouf et Mika, passez-nous un coup de fil 0870-42-48. Et puis alors, je voudrais quand même dire qu'il y a Maître Gims, c'est l'une des infos, il va prêter sa voix à un jeu vidéo. Ouais. Il est notre invité la semaine prochaine, Gims, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il viendra quand? Jamais. Il sera notre invité donc, et il prête sa voix à un jeu vidéo. Call of, il va jouer le héros du prochain Skylanders Imaginator. Ah oui. Ça va être sympa, non? Ah ouais, carrément. C'est quoi le jeu Skylanders? C'est quoi? C'est des personnages, non? Mais je connais pas, pas ce jeu-là. C'est pas ça, Skylanders? C'est pas les personnages que tu mets sur une plateforme? C'est ça? On a des gamers publics. T'achètes dans le commerce. Ouais, j'ai déjà joué à ça. J'ai déjà joué. Oui, oui. Tu changes et tu mets ton personnage sur une plateforme et tout, machin. En plus, c'est sympa, tu vas être planqué avec Maître Gims quand il va faire la voix. Hé, je suis planqué là, faut pas faire de bruit. Ça va être sympa, ça va être sympa. Si c'est lui qui fait ça tout le long, ça va être le personnage le moins discret au monde. Dans un instant, il y aura Manon. Tu seras là, Manon, on parlera d'une phobie dans un instant. D'accord? Ne bouge surtout pas. On verra si le 118-218, on fera un fight avec notre personnage Daniel. Vous vous souvenez de Daniel ou pas? Un jour une réa, tu vas. Je suis en train de lui parler. Ça marche pas. Regarde, tu vois bien que j'appuie sur les. Ça marche pas. Vas-y. Tu vas retourner à Rire et Chanson. Tu vas mixer du Popek, toi, ça va bien ramener ta gueule. C'est ça, et monsieur, ouais, bien sûr, Chevalier du Fiel, elle aime bien ça, elle aime bien. Il faut mixer des trucs de jeunes, elle sait pas. Par contre, trucs de vieux. Elle est bourrée, monsieur. Oui, elle est bourrée. Non, c'est une dame, elle est réalisatrice, on n'y peut rien. Manon, dans un instant, ma chérie, ce sera toi. Le 118-218 fight, deux questions pour Ayev, une petite annonce de merde, c'est ce qui vous attend aujourd'hui. Après The Chainsmokers, le nouveau titre. Il est bien. J'aime beaucoup. Ouais. Eh bien. C'est pas encore ouf, mais il est bien. Ah, si. Ça vient, c'est progressif en ce moment cette année, lui. Faut lui faire écouter plus souvent. C'est ça, 100 fois. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. And 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room and back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. fraîche. Écoute Coé sur Énergie, frère. Sur les autres radios, c'est tout pété. Ils sont morts dans le film. Mais c'est de la merde. Coé, 19h-22h sur Énergie. Bienvenue dans la première émission de France, 19h-22h, je m'appelle Coé, Julie. Oui. T'es mon bisou. J'adore quand tu me dis ça. Toi, je veux mon bisou. Steph ? Stouf, stouf. Oui. T'auras pas mieux, t'auras pas mieux. Elle est horrible cette, ce son. Ah, oui, c'est vrai, il est chelou. Il est sorti de nulle part, ce coup, quoi. Petite GP, là. Oh, le dindon, là. Ouais, c'est ça. Elle est horrible, on dirait une fin de porno, derrière. Ah. Horrible. Ça, ça vient de cette fille, là-bas, ce bruit. Ouais. Mais c'est pas possible. C'est bizarre. Elle n'est pas humaine, elle n'est pas montée comme nous. Je me suis étouffée. Ouais, ouais, mais je ne veux pas savoir d'où vient le son. Je ne veux pas le savoir. Ouais, tout le monde va faire un gros bisou à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour, Manon. Ça va, ma chérie? Ça va. Où est-ce que tu habites, Manon? Alors, j'habite en Alsace, dans le Haut-Rhin, à Seppois-le-Bas. Ah, c'est poil bas. C'est poil bas. Ah, c'est poil bas, faut les couper. Eh, c'est moi, je peux pas les garder. Hein. C'est poil au bas. C'est poil le bas. C'est toi. Ouais, c'est, bah, c'est poil bas. En fait, il y a c'est poil le haut et il y a c'est poil le bas. Ouais, mais c'est poil le haut, c'est pas drôle, alors que c'est poil bas, ça fait marrer. Ouais. C'est le maillot. C'est poil bas. C'est chelou. Oh, c'est joli, c'est poil bas. Ça va, c'est à 5 minutes de la frontière suisse. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est la version basse du... Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bonjour, je vous envoie ce mail car j'ai une terrible phobie du dentiste. Ah. La même que Ribéry. Ouais. Depuis, ça vient de là. Hein. Ah, c'est dur. Vous l'avez vu en short à la et fête sa femme. Vous l'avez vu en photo avec l'équipe de la fête de la bière ou pas? Ah oui, en bavarois. Il a fait tous les ans celle-là. Mais il n'a pas envie de se refaire faire les dents. Il les a pas refaites. Je pense qu'il les a refaites un peu. Hein. Je crois qu'il s'en fout. Il fallait financer madame déjà. Donc c'est déjà une saison. Mais vous avez pas vu l'équipe du Bayern en tenue bavaroise pour la fête de la bière? Ils la font tous les ans cette photo. Ils sont obligés, mais ils sont un peu verts. Et ils sont tous en short avec des grandes chaussettes et tout en mode on a un truc de bière, sauf Ribéry évidemment. Mais tous des mecs sont là comme ça. Mais non, ils ont tous l'air d'un con. Ils n'assument pas. Tu les vois en train de faire. Alors qu'ils entendent dire. Qu'est-ce que je fais du foutre ici? Les mecs, ils se mettent du fringue dans des Gucci de ouf. Et une fois par an, on leur dit non. C'est les shorts et tout pourri là-bas. Avec les grandes chaussettes. Donc elle me dit depuis 5 jours, j'ai une horrible rage de dents. Non, mais terrible. Ribéry, de toute façon, tu lui mets n'importe quoi, même en costume, il a l'air d'un con. Ouais, excusez-moi, allez, non, ça, c'est pas possible. Comment ils sont fringués? Il aurait pu prendre une bière sans alcool, quand même. Mais il a pas, non. Il a rien, il fait. Symbole. Il fait pouce levé. Je peux finir avec Manon? Oui, allons-y. Merci, parce que Ribéry, on s'en fout. Depuis 5 jours, j'ai donc une horrible rage de dents. J'ai malgré tout pris rendez-vous chez le dentiste samedi à 8h30. Cependant, rien que d'y penser, j'en suis terrorisé. Voilà, je me demande si toi et l'équipe, vous auriez des conseils à me donner. Bon, alors... Fuis! Je connais pas beaucoup de gens qui kiffent aller chez le dentiste. Non, mais aujourd'hui, le dentiste, ça va, t'as plus mal, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai toujours une appréhension en y allant. Si, ça fait mal quand même. Moi, j'y suis pas allée depuis tellement longtemps, j'aime pas ça non plus. Donc j'ai l'impression que maintenant, ce qui fait le plus mal, c'est ce qui faisait le moins mal avant, c'est le détartrage maintenant. À chaque fois, c'est le détartrage qui me nique le plus. Et encore, le détartrage maintenant, c'est à l'ultrason. C'est un petit truc qui te met un petit appareil. Moi, j'ai pas fait ça avec un truc et un silex. Alors, ils ont fait plus moderne. Non, mais c'est ça maintenant, c'est à l'ultrason. Il y a un peu de tout. Mais il me gratte sous la gratte quand même. Et vous allez souvent chez le dentiste? Moi, je suis obligé, je fais du deux fois par ouf. Mais le tartre, non, mais je suis pas con quand même. T'as plus de douleur, t'as plus le petit pic. Ah si, ça picote quand même. Ils te mettent le truc qui fait ça. Ça fait du bruit et c'est grave désagréable. Ça fait zzzz comme une roulette, mais en fait, ça fait que vibrer. Avant, il passe quand même. Il passe un autre truc avant. Ah bah alors, c'est que c'est pas que t'as du tartre, c'est que t'as du silex. Ah non, mais je suis une fabrique de plâtre en fait. C'est un Bricorama dans ma bouche. En fait, c'est pas des dents qu'il a, c'est des stalactites de plâtre. Tu vas pourquoi chez le dentiste? Pour les dents, connasse. Elle a dit une rage de dents. Tu veux que ce soit quoi? Tu veux qu'elle ait un corps au pied? Réfléchis. Mais non, mais pour des caries, pour un pivot, pour quelque chose. Je suis désolé. Elle a dit une rage de dents. Merci Julie, c'était brillant le hashtag. Julie, regardez quand vous réagissez comme ça. Forcément, c'est pour les dents. Ils sont consternés dans le public, ils savent même plus te regarder. Les mecs, ils regardent au plafond, ils disent je vais pas la regarder dans les yeux, ça va être contagieux. Réfléchis. Je sais pas si c'était pour une carie, une rage de dents ou autre chose. Elle a dit. Oui, c'est une carie. C'est une carie. Alors, elle l'a dit. Il y a deux secondes, c'était une rage dedans. Une rage dedans, c'est lié à une carie. Ouais, bon, ça va. Souvent. C'est lié. Merci hashtag, merci Julie. Voilà. C'était brillant. Et bah, au moins grâce à moi, on sait qu'elle va chez le dentiste pour une carie. Non mais ce qu'il y a, c'est que la rage de dents, c'est au-delà de la carie. Ça veut dire que la carie, elle est bien infectée et tout. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il ouvre la gencive. C'est mort, c'est mort. Ça se trouve, il y a une araignée qui t'a piqué dedans. Il y a des œufs. Vas-y, rassure-moi, je te dirai rien. Il y a des œufs d'araignée voilà, dans la dent. Et puis il va te falloir. Il va te la dévitaliser déjà, c'est réglé. Ouais. Et ensuite. Il y a des anesthésies. Mais ça fait. Franchement, moi, j'y suis. Moi, qui suis un tout petit peu plus vieux que vous, c'était quand t'allais chez le dentiste quand t'étais gamin, tu t'en souvenais. Ouais. Hein. Ah ouais. Maintenant, j'y suis retourné il n'y a pas tellement longtemps parce que je m'étais cassé une dent, truc de troisième âge. Cassé une dent en mangeant un steak, truc qui arrive jamais. J'ai mangé un steak et tout, et ça, j'ai entendu croc, et ça m'a cassé net une dent du fond. Mais je vous jure que c'est vrai, alors que j'ai des bonnes dents souvent. Et sauf que pas de douleur. Mais ensuite, ma langue, tu sais, elle a râpé. Elle s'est piqué la langue. Oui, elle m'a râpé sur le petit bout de dent qui était cassé. Et je faisais une émission de radio. Ça m'est arrivé il y a 3 ans avec une feuille de salade. Je parlais comme ça. Ça m'a grand danger. Et j'y suis allé, mais zéro douleur. Ouais, zéro douleur. Ça fait plus mal. Ils te remettent surtout un truc en pâte, là. Ils te le mettent de la couleur de ta dent. Ouais. Et aujourd'hui, je ne sais plus laquelle c'était, tellement le mec c'est a bien vrai fait ça. Tu sens plus rien maintenant. Parce qu'avant, on avait des vieux plombages gris là. Ouais, mais je les ai encore. Tu sens plus rien. C'est horrible. Donc, ma chérie, je pense qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête. Il va arriver, il va te faire une petite piqûre pour, et c'est fini. Enfin, même les piqûres, tu les sens plus. Je m'étais fait arracher les dents de sagesse. Alors, pour le coup, c'est bizarre, ça fait pas mal, mais t'as l'impression que le mec, il va t'arracher la mâchoire. Ouais. Parce qu'en fait, c'est anesthésie, en fait, c'est à l'ancienne, il prend une pince. Ah bah, y a pas de secret. Et hein. Il arrache, quoi. Oh. Et donc, du coup, c'est limite, il met son pied sur ton épaule, tu sais. Allez, on va y arriver. Et t'as vu, il bouge de la dent et ta tête, elle bouge avec. C'est chelou parce que tu sens rien, mais ça fait super bizarre, quoi. Ouais, tu sens rien, mais tu le sens le lendemain, quand même. Ouais, un petit truc. Non, ça mais. Se réveille. Si tu demandes à ton dentiste, il va te le faire. Tu lui demandes déjà qu'il te mette un peu de coton avec le produit sur l'endroit où il va piquer. Ouais. Et franchement, tu sens plus rien. C'est non. La toute première où tu sens un tout petit peu piquer la peau. Après, tu le sens plus. Dès qu'il a mis le produit, c'est fini. Hein. Ça. Après, le goût du produit dans la bouche et tout. Excuse-moi, je préfère avoir le goût du produit dans la bouche. C'est quand que tu trinces. Tu prends le truc, tu trinces, tu vas pour cracher, puis t'as ta lèvre qui obéit plus. Ça fait pouf, tu craches dessus. Moi, j'ai eu un truc la dernière fois. J'étais chez le dentiste, je vous assure, c'est vrai. Le mec, il y avait une nana qui m'avait pas parlé du tout au machin, qui était belle comme tout. Et le mec, il s'occupe de moi, donc il me met le produit. Puis tu sais, il te met l'écarteur, le coton. Ouais. Elle se met le machin qui aspire la salive. L'aspirateur, c'est... Et c'est à ce moment-là que la belle meuf, elle rentre, elle fait. Alors, elle se penche, tu sais, Monsieur Coé, j'adore vos émissions, c'est qui le prochain invité? Et toi, t'es là, et tu fais. Et c'est à ce moment-là que tu fais genre 1,5 litre de salive. Tu fais et t'as honte. Et après, elle dit crash. Et puis tu craches. T'as un truc qui tombe. Là. C'est dégueulasse. Bah non, ça va être rigolo. Tu vas kiffer. Pour mais ça fait pas mal. Fais une photo, fais un snap. D'accord. Bisous, ma chérie. Je t'embrasse. À bientôt. Et embrasse tout le monde à Épile le Bas. Je sais plus comment ça s'appelle. Là. Voilà. À bientôt. Épile le Bas. Je sais plus comment ça s'appelle. Poil au bas. C'est poil bas. Poil bas. Poil bas. Ou poil bas. Gros bisous. Ciao ma chérie, gros bisous, salut. Oh, c'est grand. Doucement, ça va pas. Ça va, ça fait 10 fois que j'appuie dessus, il s'éteint pas. Voilà, reste avec nous dans un instant, on écoute quoi? Zao. Ouais. Elle a été notre invitée mercredi. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. J'adore ce morceau. Ah, il est cassé. C'est hier. C'est hier, ouais. C'est quel jour? Hier. C'était hier jeudi? Oui, c'était hier jeudi. Déjà? Oui. Ça passe trop vite. Et demain, c'est quel jour? Samedi. Mytho. Prends pas une seconde, prends pas une seconde. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui

Hey, hey, hey, Willy Williams sera là. Il y a Amir qui va venir nous voir. Ouais. Ça, c'est la nouvelle. J'adore, moi, Amir. Alvaro Soler, si. El Cuento. Il viendra le même soir que Kev Adams et Gad Elmaleh. Eh oui. Oh, on va se faire une belle soirée. Oui. Alvaro Soler, Kev Adams, Gad Elmaleh. C'est bien, non? Ah, c'est vrai, ça va être cool. Je pense qu'on sera en direct sur YouTube. Ça va être cool. Semaine prochaine. On est en train de tout vous faire, mais on peut le dire à 98%, c'est bon. Oui. 98%, on vous fait un live YouTube mercredi soir de chez moi après l'émission. Oh, on va finir l'émission à 22h. On est chez non. Tu refais un barbecue? Oh non, mais chez moi, bah, mon appart. Ah non, il y a plus. On est chez moi à 22h30. Ah oui, c'est la crise. Ah, les maisons sont vendues, c'est fini tout ça, les grosses voitures, scooters. Et donc, et ce sera chez moi. On vient avec toute l'équipe. On fait live YouTube de chez moi. Donc, on installe. Après, c'était sur ton lit? Bien sûr, ouais. bien sûr. On va y retourner. Il y aura Ken ouais. Jones, quoi. Le mettre du maquillage sur la tête sur les draps. Parenthèse. Oui. On annule le live YouTube de chez moi. Il y aura Ken Jones qui vient. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'on fait Julie? Est-ce qu'on fait le 118-218 fight? Ouais, grave. Bon, attendez, expliquons la règle. J'en ai donc deux. C'est quoi le but du jeu? C'est de savoir, d'abord, est-ce qu'on met les deux en présence? Alors, est-ce qu'on en met, t'as deux possibilités. Ouais. Tu peux les mettre entre eux. Ça peut être bien. Et tu peux faire intervenir Daniel. Tu peux faire parler Daniel. Ah, attendez, moi j'ai surtout. Ou alors très, tu très peux en mettre qu'un seul. Excusez-moi, j'ai envie du retour de Daniel. Est-ce qu'on peut mettre Daniel 1 et Daniel 2? J'avoue qu'on s'en fait hors antenne. Des fois, quand on prépare l'émission, on se les fait. On s'en fait rien que pour nous. On l'appelle le 118-218 avec Daniel et on et c'est génial. Tu peux en faire qu'un seul et t'appelles Daniel avec. Tu vois celui qui tient le plus longtemps. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Et on dit qu'il demande la gendarmerie? Oui, bien sûr. Ah, c'est. Vous appelez Jean-Denis, peut vous dire maintenant avec eux. Mais connais pas. Le connais pas, il est trop bon. Le connais pas, ouais. Attendez, laissez-moi. Révise bien, on révise bien parce que t'as le. T'as le connais. Vous êtes qui? Laissez-moi deux secondes. Vous êtes qui à la taille? Bien pour commencer, il est bien. D'accord. Le okay. Connais pas, il est bien aussi. Ah, connais pas. Voilà. Comme ça, tu les fais durer un peu. Ok. On y va? Allez, c'est parti. On y va. Et le. Bienvenue au 118-218. Si vous êtes un consommateur, pour nos tarifs, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne pour joindre un conseiller. Ça va venir. 118-218, bonjour, quelle est votre demande? Eh hey, monsieur! Oui, je vous écoute, quelle est votre demande? C'est comment votre nom? Vous m'excusez? J'ai qui à l'appareil? Vous êtes au 118-218, service de renseignement, encore je chez vous. Vous appelez Jean-Denis, t'as pas vous dire maintenant avec eux. Monsieur, quelle est votre demande? Je vous écoute. Tu as dû avoir des problèmes, Jean-Denis encore. Je vous demande de l'assistance à votre appel vers Astarly, s'il vous plaît. Va t'enculer, bon. Non, attention, elle passe responsable. Madame, ne sais pas, mettez-moi de reprendre la communication. Quelle est votre demande, s'il vous plaît? J'ai qui à l'appareil? Quelle est votre demande, s'il vous plaît? C'est comment votre nom? Je suis l'assistante de la personne avec qui vous étiez en ligne. Ah, je connais pas. Quelle est votre demande, s'il vous plaît? Non, tu peux rigoler, monsieur. Que cherchez-vous, s'il vous plaît? Allez, dégage, allez, tout court. Merci de votre appel, excellent journée. Non, j'aime pas quand même les gens comme ça au soir. Monsieur, quelle est votre demande? Je ne porte pas contre vous, en ce moment on aura le bol. Hein. Que recherchez-vous, monsieur? Arrêtez les conneries, bon. Vous appelez Jean-Denis, tu peux vous dire maintenant avec eux. Monsieur, j'ai pas bien compris, veuillez m'excuser. Ouais, ils vont être bons. J'ai pas bien compris votre demande, monsieur. Vous êtes que bourré, monsieur, non? Veuillez m'excuser, monsieur. Là, ton numéro de téléphone, le jeu. Oui, quel est le nom que vous cherchez? Comment? Le nom de famille, s'il vous plaît. Sébastien Chloé. Veuillez m'excuser? Sébastien Chloé. Sébastien, c'est le prénom? Ah, je connais pas. Monsieur, quel est le nom de famille? Sébastien Chloé. Sébastien, c'est le nom de famille, le prénom. Quel est le nom? Comment? Quel est le nom de famille? Madame, monsieur. Hey, monsieur, quel est le nom de famille? Eh, hey, monsieur. Monsieur, quel est le nom de famille? Sébastien, Chloé. Chloé, c'est le nom de famille? Comment? Est-ce Chloé le nom de famille? Non. Monsieur, s'il vous plaît. Comment? Moi, je parle le nom de famille. Le nom de famille. Comment? Le nom de famille. Comment? Monsieur, je suis dans l'obligation de mettre fin à cette communication. Merci de votre appel, excellente journée. Bravo, la dame du 118. Bravo, Daniel.

Ça, c'est un de mes moments préférés. Continue d'aller voir tout ce week-end nos vidéos, hein, toutes les conneries, tout ce qu'on a fait. Allez voir un tour sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos ce week-end. Vous devez passer le week-end avec nous. Vous allez mater toutes nos conneries, toutes nos vidéos. Et maintenant, la mission, c'est 1 milliard 500 000, 500 millions. Hein. Là, on est à 1 milliard 100. Rote, hein, Pietre. Hein. Mais alors, tu sais quoi? Éternue. Rote, mouche-toi. Ben, c'est entendu. Moi, je serais de toi, je larguerais une caisse avant 22h. S'il y a que ça, ah, mais... ça peut se jouer. Ça peut se faire. Un truc de ouf, le mec, il est là, il parle. Dégoûtant. De genre, ça t'arrive jamais, toi, les rôles. On a des rototos. T'es en permanence. Ça, tu le dis en plus. Tu dis pardon, j'ai fait un rototo. Jamais. Oui, mais je le dis. C'est tu l'assumes. C'est des presque rototos. C'est des rototos. Ouais. Bon, attention, en attendant. Question pour Ayeuve, vous appelez des personnes âgées, vous leur posez des questions de jeunes. Vous pouvez jouer à ça tout le week-end s'ils ont la bonne réponse. Tout va bien. S'ils ont la mauvaise réponse, c'est perdu. Voilà. D'accord, ça va, c'est facile. Voilà. Appelons Monique. Je dis juste, alors pour juste prévenir, quelqu'un de l'équipe les a appelés pour leur dire qu'ils allaient participer à un jeu. C'est ça. C'est tout. On ne savent pas plus. Parce que sinon... Et c'est grâce à un de nos anciens candidats qu'on a l'expression serre-tête. Ouais. Serre-tête. Oui, serre-tête. Allô, Monique. Oui, j'écoute. Bonjour, oui. Monique. Je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, Monique? Bien, je suis dans la lecture. J'attendais votre appel. Ah, que lisiez-vous? Ah, je lis une belle histoire. 51 degrés, petite coquine. La boîte en la, feu. La boîte la en feu. Grotte au fée. Au fée. Parce que la grotte en feu, c'était pas, c'était un film. Et La grotte au fée, pas la boîte en feu. D'accord. Non, surtout pas. Surtout pas, Monique, non, surtout pas. Je vais vous présenter Martine, puisque vous allez jouer l'une contre l'autre. Vous habitez où, Monique? Chevilly-la-Rue. D'accord, dans le 9-4. Dans le 9-4. Tout se passe bien, la vie est belle. Wesh, la vie est belle. La vie est belle. Non, elle ne veut pas répondre. Je vais vous présenter Martine. Allô? Martine, bonjour, c'est Coé. Elle s'est replongée dans sa vie. Oui. Bonjour Martine, nous on est sur Énergie. Comment allez-vous, Martine? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Magnifique, Martine. Je vous présente Monique, Monique, Martine, Martine, Monique. Enchantée, Monique. Enchantée, Martine. Voilà. Il y avait ma... Elles sont courtoises. Monique était en train de lire un très beau livre qui s'appelle La boîte en feu. Non, qui cartonne à Montpellier. C'est quoi, Monique? Pardon? La grotte aux fées, pardon. Oui. La grotte aux fées. Voici. Très belle histoire. Une histoire de quoi? Un petit peu, beaucoup de choses. Merci, mais Monique, pour beaucoup, ce renseignement. C'est trop long. Il fait 800 pages. Je ne vais pas tout vous raconter. Et vous en êtes à combienième page? À la 545. Elle regarde en direct, 545. Alors, attention, voici les questions. Je vous donne des propositions de réponses. À gagner ce soir, il y a des beaux cadeaux. Comment dit-on « je suis dégoûté » en langage jeune? Je suis deg. Bah attendez, Attendez Martine, c'est pas dans les propositions. Je suis tes dégoûts, j'ai trop le seum ou je suis OP. Martine. Moi je suis la première. Je suis tes dégoûts. Oui. Et Monique, vous dites quoi? Tes dégoûts. Bah, je vais dire la deuxième. Le seum. Oui. Mais oui, mais c'est ça, Monique. C'est ça, c'est la bonne réponse. Oh, c'est quand, quand ça va pas, Monique. Quand ça va pas, on dit j'ai le seum. Mais essayez de répéter quand même, parce que la deuxième, la première, bon, c'est pas trop. À partir de maintenant, on répète les propositions. Voici la deuxième question. Rien n'est perdu, Martine. Comment dit-on draguer en langage jeune? Chasser, pécho ou juter? Pécho. Vous diriez quoi, Monique? Qui a dit pécho? Vous me redites, s'il vous plaît. Chasser, pécho ou juter? Le dernier, j'ai pas compris. Juté. Moi, j'ai dit pécho, hein. On a compris, Martine. Mais on était sur Monique. Bon, je vais dire le dernier, j'ai pas compris. C'est quoi le dernier? Juté. Oui. Il faut dire les mots. Il faut dire les mots, sinon... Chuté. Non, c'est pas chuté. Oh, c'est bon, on va pas en faire plus. On le passe. C'est pas ça. C'est pas la bonne réponse, c'est pécho. Pécho, Martine, vous êtes à égalité. Oui, je savais, j'ai déjà entendu les jeunes qui disent j'ai pécho. Oui, alors, vous êtes à égalité, tout va bien. Voici la dernière question. Comment dit-on j'ai fait l'amour en langage jeune? Vous avez peut-être une petite idée, Martine? Ben non, moi non plus. Est-ce qu'on dit j'ai louffé, j'ai ken ou j'ai trempé le Bacari? J'ai ken, là, je sais pas quoi. Qui a dit ça? Vous diriez, la deuxième. Ça, c'est Martine qui a dit j'ai ken. Vous diriez quoi, Monique? Et la première, j'ai pas compris. C'est j'ai louffé ou j'ai trempé le Bacari. Oh, allez, moi je vais dire la troisième, j'ai rien. Donc, aucune idée. Dire. Mais il faut répéter. Il faut répéter. Il faut répéter, bah, Monique. Vous avez dit tremper le Bacari. Le Bacari ? Oui. C'est la troisième ? Elle veut pas dire. Ah, il faut répéter. Je crois que c'est vrai. Il faut répéter. Tremper le Bacari. Oui, c'est ce que j'ai dit, la dernière. Mais vous l'avez pas répété. Il faut dire la réponse. Vous l'avez pas répété. J'ai pas compris. Tremper le Bacari. Mais vous l'avez dit, mais c'est excellent. Vous avez dit, j'ai trempé le Bacari, Monique. Bah écoutez, oui, rien ne me dit. Non, non, mais vous l'avez dit, vous, Monique. Vous avez dit, j'ai trempé. Je l'ai dit. Mais oui, vous l'avez dit, j'ai trempé le Bacari. Voilà. Et bien, c'est perdu. Ah, c'est pas la bonne réponse. Puisque c'est Martine qui avait la bonne réponse. J'ai Ken. Bravo, Martine. Youpi. Ah, elle a beaucoup plus de contact avec les jeunes. Mais oui, Martine, visiblement, c'est ça. C'est... Quel âge vous avez, Monique, sans indiscrétion? Oh, j'ai 80 ans. Ah, eh bien, vous ne les faites pas. Non. Vous ne les faites pas, vous savez. Vous ne les faites pas. Je vous oui, fais un... de loin. De loin, vous ne les faites de pas. Loin. De près, je n'ai pas vu, mais de loin, vous ne les faites pas. Croyez-moi, je vous fais un gros bisou, Martine. Je vous embrasse. Bravo, Martine. Merci. Ah, ouais. Et qu'est-ce que... Oui. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah ouais, merde, on n'avait pas pensé à ça. Le micro. Des places de ciné. Des places de ciné. Ouais, non. Des places de cinéma? Oui. Ouais, pour aller voir Jason Bourne. Oh non, moi j'aurais préféré avoir le nouveau CD de Céline Dion. Ah, ah c'est, voilà, pas la bonne, c'est pas la bonne radio. On peut l'avoir. T'inquiète, on l'a. On peut l'avoir. On va l'avoir et on vous l'offre et ça nous fait plaisir. D'accord, Martine? Oui, moi ça me fait plaisir aussi de vous entendre, Chloé. À bientôt, Martine, je vous embrasse fort, gros bisous. Merci, au revoir. Au revoir, Monique, on vous embrasse, hein. À bientôt, Monique. À bientôt, au revoir. Et si vous voulez que je vous raconte la fin de la grotte aux fées? Ah non, tu vas lui cacher l'histoire. Vous voulez, non, la fin du... vous voulez que je vous raconte la fin du livre? Non, non. À la fin, il meurt. Oh, oh non, oh là, non. Bah, si. Bah, vous verrez. Bouffé par une fée. Vous verrez les 300... vous verrez les 350 pages que vous allez lire servent à rien. À la fin, il meurt. Arrête, c'est horrible. Imagine, c'est vraiment ça. Mais c'est ça. Je rigole pas. Je l'ai lu ce week-end. Au revoir, Monique. Au revoir. À bientôt. Il meurt à la fin. Il meurt, Monique, à la fin. Non. Si. Il dit au revoir. Il joue à un jeu. Il raccroche et il meurt. Je suis sûr. To get to anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. Now I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. See what it means to be living. You got a fast car, fast enough to run a flyaway. We gonna make a decision. Live tonight or die this way. For the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young and took like his. Mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. I live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Like I was drunk. City lights lay out before us, and you all felt nice right wrong.

Bien, madame. On refera tout à l'heure, mais pas aujourd'hui. On refera des 118, 218 la vidéo. Faut que vous la voyez pour qu'on vous montre qu'on envoie les sons en live. Ouais. Avec la dame. Je crois qu'elle est où cette dame? Elle a peut-être pas entendu. Elle est peut-être loin. Elle est peut-être. Je sais pas où elle est. Ils sont où les plateformes? Ils centralisent ça où? Je sais pas. Oui, regardez. Et ça dépend, j'en sais rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont genre Maroc. Bah, c'était Maroc, ouais. Mais je crois que ça a été remis en France, non? Pas beaucoup. Tous, hein, pas tous. Quelques-unes, mais pas tous, je crois. Bon, en tout cas, on l'embrasse. On lui fait un gros bisou. On fait un bisou à... Je prends quoi maintenant? On va voir Sandra. Sandra! Oui. Comment ça va, ma petite chérie? T'es enfin bienvenue, Sandra. Ouais, ça dit. T'as l'air toute Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tendue? Bah, j'ai besoin de votre avis, donc je suis un petit peu perdu. Vas-y. Comment? Retour. Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, je t'écoute. Ah, tu nous as envoyé un mail. Un mail, oui, ouais. Je le lis, je le lis. Ouais. Coucou mon Koé, comment ça va? Je t'écris car j'aimerais trop que vous m'appeliez pour qu'on parle d'un truc qui me tient à cœur et que je vis mal en ce moment. Je suis modèle photo et mon entourage se fout de ma gueule, voire même me traite de pute. Il est sympa ton entourage. Salut, t'es qu'une pute, au revoir. Ou de cassos, car ils jugent mes photos dégueu et vulgaires. À ce point-là? Tu nous as envoyé des photos? Bah, oui, on va voir. Je lui en ai envoyé 3. Alors attention, parce qu'après, il y a beaucoup de filles qui sont modèles photo. Ça dépend. Montre, wow. Bah, montre. Non, non, je garde pour moi. Je garde mon érection pour moi, j'ai le droit. Ah, non, c'est moi. Non, alors franchement, oui, bon. Alors celle de je monte mon cul à côté du bureau, mais t'es habillé. Attention, je précise, t'es habillé. Oui. Position en mode un peu soumise. Position sur le bureau. Et j'ai quoi après? J'ai position un peu cambrée en tuto. Et c'est des photos pour quoi ça? C'est la première qui est un peu viens je t'attends quand ouais, même. C'est un peu chelou la première. Tu mettrais viens je t'attends.com. Ouais, ça pas fait les filles chaudes de ta région. Ouais. C'est les bureaux les plus chauds de ta région. Ah, secrétaire office. Bureau acheter une fessée en cadeau. Ouais. Non, c'est vrai que cette photo elle est un peu glauque. Non, elle est pas glauque, elle est un peu. Mais déjà, pourquoi? Le contexte est chelou. Non, mais ces photos, elles sortent d'où? Elles ont été faites pourquoi? Mais en fait, j'ai un copain photographe qui m'a proposé de faire des photos et j'ai accepté pour bonifier mon book. Mais tu fais des photos pour qui en général? Ah, Julie, comme beaucoup de gens, il y a déjà des photos pour eux. Là, c'est pour moi, mais je voudrais bien me lancer dans. Non, parce qu'elle dit qu'elle est modèle photo. Ouais, mais enfin, tu vas sur book.fr. La dernière fois, je me suis amusé aller sur book.fr. Oui, d'où tu connais ça? Parce qu'on cherchait une personne pour faire un pilote et des machins. Et d'accord. Donc, tu vas sur book. C'est comme ça que je crois que ça s'appelle book.fr, un truc Mika? Comme ça. Hein, c'est ça, Mika, non? Exactement. Ça, merci pour le micro. C'est ça. Et donc, il y avait cette personne, mais tu as accès à. Mais je sais pas, 1000 filles qui font des photos. T'as plein de profils différents. Et alors, t'as des photos des filles très jolies, t'as des filles professionnelles. Et t'as de l'amateurisme. Et t'en as. Au bout de la troisième photo, t'as Galerie Charme. Bon. et voilà, et t'en as qui font de la photo pour se faire plaisir ou pensant qu'elles vont être remarquées. Et à part, franchement, Jackie et Michel, personne ne peut les remarquer. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà, et t'en as d'autres, par contre, qui sont très jolies ou d'autres qui sont pas très belles, mais avec des belles photos. Ouais, ça t'a un peu de tout. Ça dépend du photographe aussi. Ouais. Et toi, ma chérie, t'es jolie, t'as un joli corps, mais alors le mec qui te fait des photos en position de dos cambrée où on voit la prise électrique du bureau, il y a un moment, c'est moche, quoi. On a l'impression que c'est une pub pour le bureau. Puis elle est toute blanche même. Tu t'en es pas rendu compte quand t'as fait les photos? Non. Mais c'est un ami, j'ai extrêmement confiance en lui et puis Non mais attends, excusez-moi, on est en 2016, on va pas non plus la jouer, perdre la pudeur. Photos de Kim Kardashian sont mille fois plus trash que les photos de la demoiselle. Ah non, mais elle est habillée, il y a aucun problème. La photo où elle est en petit haut panthère, en plus elle a une cambrure, t'as une petite cambrure, t'as les fesses cambrées et tout. C'est joli, c'est juste que que le mec il a l'air d'être photographe comme moi, je suis pilote de Formule 1 quoi, ça va être méchant. Non mais le truc c'est qu'elle te traite de parce que en fait tu prends des poses un peu sexy, c'est pour ça, non? Il y en a une de sexy. Oui, peut-être. Il y en a une. Ouais, c'est sur le bureau. Ah, c'est aussi, le léopard. Enfin, Julie assise sur le bureau, ça c'est sexy, arrête un peu. Non, mais avec les talons, la robe moulante noire, tout ça. Enfin, on va pas faire non plus les photos habillées. Non, mais la même photo dans un autre contexte, ça fait un peu moins sexy. Moi, c'est plus le bureau qui m'excite. Il est en quoi ce bureau? Ou pas, parce que depuis tout à l'heure, c'est de la cage bureau, c'est du contreplaqué, c'est du quoi? J'en sais rien du tout. Non, elles ont vu ces photos comment? Parce que Facebook. Tu les as partagées du coup? Facebook. Oui. Bah, évidemment. Oui. Quand tu fais des photos comme ça, t'as envie de les mettre sur Facebook. Ouais. C'est normal. Et c'est là que toutes mes amis et mes connaissances me traitent de pute. Mais ça, tu t'en fous, parce que souvent, les photos, en plus, ça fait du bien à soi-même. C'est-à-dire que les filles qui font des photos, elles se sentent mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'acceptes de les mettre sur Facebook, tu sais que tu vas avoir des gens qui vont te dire t'es jolie et des mecs qui vont te dire t'es qu'une pute. Mais je suis désolée, le contexte dans lequel elle a pris les photos font que ça fait pas des photos non plus très jolies en mode. Tu l'as mise, celle, les fesses en arrière sur le bureau ? Oui. Ah bah ça faut pas. Mais ça faut pas laisser ces photos-là. Ça porte à confusion, ma belle. Et autant les deux autres, je dis pas parce qu'elles sont sympas. Mais parce que là, ça fait vraiment. Ça fait vraiment les filles. Pour le coup, faut être honnête. Ouais. Ça fait. Il manque plus qu'à marquer les filles chaudes de ta région. Je suis désolé. Ça fait. Ça fait des 17 le soir, les pubs à 23h, quoi. Ouais, j'avoue. Tu as un copain ? Non. Ah bah voilà. Alors où t'en cherches un, et là c'est le meilleur moyen, tu vas en avoir. Ou t'as. Ouais mais celle-là tu peux pas la mettre. Si tu veux mon avis, tu peux pas la mettre. Mika voulait dire quelque chose, je crois. Oui, tu veux son numéro, je crois. Non. Non, faut se méfier juste des gens voilà, qui se disent photographes. Et, parce qu'il y en a plein maintenant. Photographes amateurs. Elle a confirmé n'importe quoi en fait à certaines filles. Ouais. Et donc fais attention à toi. Non, mais il a raison. Non, mais il est plus jeune. Elle a dit que c'est un ami, la photographe. Ouais, mais excuse-moi, c'est pas parce que. Aujourd'hui, j'ai l'impression que parce que t'achètes un appareil photo, t'es photographe. T'envoies tous les jours des photographes dans Paris. Les mecs, ils ont tous des appareils de 15 kilos, là. Ils sont tous en train de prendre n'importe quoi, un piaf, une voiture, un lampadaire. Et là-dessus, je pense qu'il y a. Parce que la technologie des appareils photo aujourd'hui te permet, même si t'as pas beaucoup de talent, de faire des belles photos. Pardon, j'ai rien contre ton copain qui est très sympa, mais ses photos, elles sont moches. C'est-à-dire que les photos de toi, elles sont immondes. Bah, elles sont pas immondes. Le bureau, il est moche, le carrelage, il est pourri. La photo sur fond blanc, elle a aucun intérêt. C'est nul. Bah, c'est pas beau. Elle a plus de visage. Non, mais c'est pas beau. T'es limite transparente, on dirait Casper. Casper qui a mis une jupe en cuir. C'est trop saturé, en fait. Non, franchement, que tu fasses des photos, oui, mais les plus sexy, garde-les pour toi. Après, il y a plein de filles qui nous écoutent qui font des photos sexy. Si ça vous fait plaisir, mais gardez-les pour vous, les mettez pas sur Facebook. Oui. D'accord, ma chérie ? D'accord. Allez, je t'embrasse. D'accord. Allez, et dès que tu sais la référence du bureau, tu nous le dis parce que nous, on est très, très, très intéressés. Ouais. Double tiroir en plus. D'accord. Ah, t'as vu, il y a un double tiroir. T'as vu la poignée en laiton ? Oh là là. Très, très belle. Bisous, ma belle. Je t'embrasse fort. Aussi bon Alonso sur Energy qui sera notre invité dans quelques jours. Qui va être là. C'est Pinta ? Oui, c'est Pinta, ça. Pinta. J'adore. Finalement, j'aime bien. Ça y est, je suis passé de moins beauf à c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien. Alonso sur Energy. On est vendredi. Pinta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal sous bout. On appelle la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Pas d'amour, lui veut la part des ans comme ça. place tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes sans tasse, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. J'ai dans la série les objets de merde. Dans la série comment on peut oser vendre des trucs pareils. Il est où? Où est-ce qu'elle est ma petite annonce? Tu l'as dans les mails, sur le côté. Quelle est ma petite annonce? Je ne l'ai pas. Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais si. Je ne l'ai pas. Sur le côté quoi? Vas-y, viens. Si ça y est pas, vas-y. Allez, vas-y sur le côté. Vas-y. Alors, regarde, ça y est pas, je te tape. Vas-y, viens. Viens. Elle est où sur le côté? Attends. Ta mère qui est sur le côté. Viens, elle est où sur le côté? Vas-y. Alors. Voilà. Une armée mexicaine, cette équipe là. Une armée mexicaine, bien bossé. C'est que t'as juté sur ta chemise, c'est quoi ces traces de sperme? Il y en a partout. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a une chemise, il y a des taches blanches partout. Oui, mais j'aime bien, moi. C'est des esquins. Ouais. C'est exprès. Et t'as re-signé pour l'année prochaine, c'est bon? Ouais. Apparemment, ouais, bah, j'espère. Hein, parce que là, en tout cas, ils étaient contents. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils étaient heureux. Ouais. Alors, bon, ma petite annonce. Eh ben, je sais pas, attends, bouge pas. C'est elle qui l'a gardée, regardez bien, regardez bien. Elle va le sortir, elle va faire « Ah, oh, c'est moi qui l'avais !» Ouais, bah, ouais. On sent que tout le monde autour était perdu, là. Et là, tout le monde fera « Ouh !» Vous allez voir, regardez bien, je n'ai rien, je laisse faire l'émission, je laisse poursuivre. Voilà, elle a disparu. Là, c'est l'armée mexicaine. Ah ça travaille. J'ai la tout journée, posé. Hein, je te jure, hein, ça en passe du temps là sur les iPhones à faire. Ah t'as vu la nouvelle mise à jour. On peut faire des photos floutées. Ah je peux envoyer mes seins. Voilà. Ils ont qu'à gratter pour le voir. On les consorts les dossiers les gars. Ah, on va pas l'oublier. Il faut prendre du temps pour trouver une petite annonce. Il n'y a plus personne. Ah quoi c'est pas grave. C'est une coquille de slip pour faire de la boxe. Voilà. Bah si c'est grave, j'ai envie de l'avoir la coquille de slip, hein. Oh. Ça c'est un beau cadeau. Ah oui, puis en plus généralement c'est bien porté. Tu remets ta table là-dedans. On est donc d'accord qu'une coquille de slip, n'en cherchez pas. Non, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il en a fait. Vous savez quoi, vous passez tous à la comptabilité et vous verrez ça avec elle. D'accord, vous trouverez des excuses. Ah mais Stouff va s'occuper de toi. Allez, maintenant c'est la troisième personne qui vient, Stouff. Pour revérifier. Mais non, elle ne sera pas non plus. La table elle fait 60 cm de large. On a tous regardé 1000 fois. Mais attends, regardez. Mais c'est ma faute, Stouff. C'est ma faute, hein. Mais. Je mets le bruitage avec la fille d'eau. Alors, ça n'est pas dedans, mais qu'est-ce que vous faites? Mais on s'en fout, on a le titre, vous avez le mais numéro. Oui, alors c'est pas grave. Allez, appelez-moi. T'as déjà vu une coquille? Coquille pour faire de la boxe, voilà. J'ai tous vu ça. Ouais. C'est blanc. En gros, les mecs mettent leur bite dedans et le mec la vend d'occasion. Oh, c'est sympa, s'il non? Il y a bien un truc à pas acheter d'occasion. Allez, on y va, c'est parti. Ouais. Oui. Ça et les capotes. Ah ouais, on s'en déconne. Moi, j'ai un copain qui vendait des capotes d'occasion et ça n'a pas marché du tout. Non, du tout, du tout. Je comprends. Allez, attends. Allô? Allô, oui, bonjour, oui, j'appelle pour la coquille. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, bonjour madame. J'appelle pour la coquille donc de box. Oui. C'est vous ? Oui, pas moi, oui. Pas tout à fait, mais bon. Voilà. Chez quoi ? Comment ? Oui, bien sûr. Elle est en bel état, elle est comment ? Bah, elle a presque pas servi, donc. Ouais, presque. Mais presque. Presque. C'était à mon fils, il a dû faire 10 fois, quoi. 10 fois de la boxe. Ah, quand même, il a transpiré dedans 10 fois, quoi, c'est ça ? Ah bah peut-être, bah ça se lave peut-être, hein, sûrement même. Ça se lingue peut-être, c'est ce que vous avez dit ? Non, ça se lave. Ah, j'ai compris, ça se lingue peut-être. Voilà, bien, pas d'humour. Ah, moi aussi j'ai compris ça se lingue. Ça partait bien, c'est dommage. Moi aussi j'avais compris ça se lingue. Rappelle-le. Pourquoi la raccrocher ? Dis-lui, j'avais pas compris. Enfin, on raccroche pas, on est des gens comme ça, alors, on y retourne. Ça veut dire ? Attends, moi sinon je lui envoie Jules, il va la défoncer, je te fais. Stouff va lui vomir dessus. Tout le monde va le faire. Allô ? Pourquoi vous avez raccroché ? Ouais, non. Julie, à toi. Oui. Tu vas lui dire bonjour. Oui, dis-toi. Allô ? Allô, madame ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Je vous appelle pour la petite annonce que vous avez mise sur Bon Coin. Ah ouais, pour la coquille ? Oui. Exact, pourquoi ? Oh la dolle. C'est que il y a un problème. Il se passe un truc dans le cerveau de la dame. Il y a une boum là, il y a une fête. On y retourne. Continue Julie. Je la prends. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, madame. Pourquoi vous raccrochez ? Mais pourquoi tu m'appelles toi ? J'ai fait pipi dedans. Hein. J'ai fait gros pipi dedans, donc je vends pas. Mais vous vendez. Mais je vais acheter la coquille moi. Mais attends. Ah, j'ai fait pipi tout le temps. J'ai fait pipi. Elles sont plusieurs dans cette tête. Non, mais non, c'est là. Et là, c'était un. Attends, je pense que c'est pour Julien Blairwitch. Allô ? Pourquoi vous appelez en masqué, ma petite chère madame ? Mais parce que je voudrais acheter votre putain de coque. Je peux acheter la coque, non ? Pourquoi vous m'adressez comme ça ? C'est n'importe quoi, là. Mais appelez-moi pour masquer. Appelez-moi avec un vrai numéro. Appelez-moi n'importe quoi. Vous avez un bon sponsor, hein ? D'avoir un bon bonnet de boxeur, parce que vous n'avez pas l'air trop finot, ça. Allez, au revoir, madame. Oh, madame, et pourquoi vous êtes déjà ? Et madame, allô ? T'as vu, elle t'a reconnu, elle dit que t'avais pas. Mais elle est ouf. Bah non, elle a flairé peut-être le truc un petit peu ça aussi. Ça marche pas de mettre Daniel. Non, tu peux rigoler, monsieur. Hein. C'est pas assez fort. Ah, mais parce qu'elle a trop de bruit en dessous. On y retourne. Allez, retourne encore. On va remettre Daniel. Bonjour. Quelle connerie, bon. Je pourrais avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, monsieur ? Non, mais j'ai ton pas de numéro. Ben non, mais c'est facile d'appeler des gens en inconnu comme ça, c'est des petits branleurs qui font ça habituellement. Non, ton numéro de téléphone, je veux. Non, ton numéro de téléphone, je veux. Non, mais t'es bourré toi en plus, alors va donc taper sur un gros sac là, puis viens pas me faire chier. Allez, bonne nuit. Non, j'aime pas quand même les gens comme ça, quoi. elle est vénère, hein. On y retourne une fois, une dernière fois. Allez, on y va. Mais je le sais quoi maintenant ? Non, j'aime bien celui-là. Moi. Ah, t'es good, non. Mais j'avoue, on entend moins bien Daniel. Il faut le mettre à fort. J'ai qui à l'appareil ? Mais pourquoi tu m'appelles ? Tu dois savoir qui t'appelle, puisque ça fait 15 fois que tu m'appelles à suivre, là. Espèce d'ivrogne. C'est vraiment le plus long. Les ivrognes, là, je veux pas en entendre parler. J'aime pas les ivrognes, moi. Mais j'ai compris, monsieur, non ? Gros capot. J'arrive pas, monsieur, hein. Ouais, peut-être ils vont être bon. Allez, raccrochez les gars. On y retourne, Vite fait. Une dernière fois. Tout ça pour un slip. Bonjour. Un slip d'occasion. Oh, c'est bien dommage. Oh, la machine, elle est cassée. Bye. On passe à autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on écoute ? Bootsy sur Énergie. J'adore ça. Boosty. Oh merde, Boosty. Boosty. Non, j'ai juste pas réussi à le dire, c'est tout. On est sur Énergie, j'espère que tout va bien. Bah, je suis pas téléphoné. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier.

sais pas ce que vous allez faire dans le public. Passe le micro rapide parce que Julie, elle a un beau week-end, elle a un mariage à mon cul. Ouais. Et ça, ça ne s'invente pas. Jeune homme, tu y es allé une première fois, tu y retournes une deuxième fois? Non, le week-end dernier, c'était civil à Paris. D'accord, jeune homme, tu vas faire quoi ce week-end? Rien de spécial. Tu vois, c'est génial. Je vais te laisser la soirée pour y réfléchir. Mademoiselle, qu'est-ce que tu vas faire à côté? Samedi matin, je travaille et sinon rien. Rien du tout. Rien. Garçon à côté, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir mes potes. Ouais, tout le week-end. Voilà. Ouais, c'est bien. À côté? Oh, je sais pas. Oh putain, merde, faut que je vous donne des idées là. C'est quoi cette histoire? Bah, ouais. C'est vendredi quand même. Ça, ça va snapper des photos dans tous les sens à base de y'a qui? Y'a quelqu'un? Ouais. C'est normal, tu cherches des potes pour le coup. Tout seul, ça fait quoi? Parce que j'ai l'impression que. Ça fait quoi? Ouais. Ça s'emmerde des fois grave. Toi, t'as une tête à rien faire. Faire du shopping. Tout le week-end? Bah oui. Ah ouais, bah, oui. À côté, mademoiselle, qu'est-ce que tu vas faire? Je compte hiberner. C'est un peu tôt là. Je vais hiberner, je rentre avec un pot de miel et j'hiberne tout le week-end. Et toi? Peut-être voir des potes. D'accord. N'empêche, s'il pleut, c'est cool de rester sous la couette devant un bon film et tout. Il pleut pas. Moi, rester couché, j'ai l'impression de rater mon week-end. Ah ouais, ouais. Grave. Je sais que des fois, il y en a qui kiffent ça, qui disent ouais, je suis dans mon lit, j'ai une couverture. Ah ouais, t'es bien avec ta couette. J'ai mal au dos, je me fais chier. Et le soir, quand tu te recouches, t'as l'impression d'y être 5 minutes avant. J'avoue que le soir, t'es pas bien. Julie, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Eh, je vais faire un mariage à mon cul. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais ils ont fait exprès ou. Non, mais ils se marient pas à mon cul même, mais moi, je dors à mon cul. Je dors dans mon cul. Tu es accueilli, parce que dans le centre-ville de mon cul. Oui, je suis pas loin. Je suis en bas de la colline de mon cul. C'est quoi? C'est un samedi? C'est un samedi, oui. Ah, ça va, parce que des fois, le centre de mon cul est bouché. Mais la circulation, ça va aller. Non, je pense qu'il n'y aura pas de bouchon dans mon cul. Par contre, je pense qu'on va être très mouillé. Non, c'est dégueulasse. On serait très nombreux dans mon cul? Très mouillé. Non. Oui, il y a beaucoup de pluie, je crois, apparemment. Donc, on sera pas vraiment sec dans mon cul. Voilà. C'est pas très glam ce que je suis en train de dire. C'est un gros mariage? Ouais, 80 personnes. Quand même, 80 personnes dans mon cul. Mais connaissez, c'est le mariage de Laura. C'est vrai qu'il est en stage avec Laura Ladeg. Laura Ladeg. Ah, oui. Laura Ladeg. Ouais. Elle est toujours deg ou pas? Elle se marie à mon cul et ça s'invente pas. Elle se marie avec qui? Ah bah oui, elle, ça s'invente, ça lui va bien. Avec un pote qui s'appelle Tony. Ah ouais, ouais. Ah, ça va être sympa. Ouais, ça va être liquide plus que manger, non? Ah oui, j'avoue. Vous savez quoi, je les embrasse et je leur souhaite plein de courage et plein de bisous et plein de trucs. Plein de courage. D'accord. Moi, les mariages, si vous voulez me faire vivre le pire week-end de ma vie, ça dépend. Vous m'invitez à un mariage. Pour moi, c'est une tannasse, un mariage. Non, ça dépend. Mais c'est une tannasse. Tu te retrouves avec des tables, tu bouffes de la merde, t'es avec des gens qui te cassent les couilles, t'as de la musique de merde. Mais c'est bon, en général. Tout le monde regarde sa montre pour essayer de se barrer, à se dire qui c'est qui s'en va en premier. Oh, ils se sont levés, vite, on se lève, on s'en va. C'est une tannasse. Non, mais ça, c'est les mariages de merde. Bah, c'est 90% de mariages de merde. Mais des fois, t'es content de retrouver. Les mariages de tes potes, c'est cool, tu retrouves tous tes potes. Mais vous avez tort, les mariages de tes potes, c'est bien si la famille, elle est cool. Si les mariages de tes potes, ils ont une famille où tu te fais chier un peu cato coincé, comme Julie aime bien, tu te fais chier, tu passes un. Les mecs sont là, ils arrivent cool, avec un petit pull sur les épaules, ils font « Eh oui, je vais enlever le col de ma chemise !» Tu rigoles, mais c'est eux qui s'amusent le plus. Parce que c'est les mecs hyper coincés, ils boivent de l'alcool et tout ça, ils sont hyper décoincés après. Alors, derrière. Excuse-moi, un mec hyper coincé, tu lui fais boire des litres d'alcool. Moi, ma belle-mère, elle a fini avec une casquette à l'envers en train de rapper au milieu de la piste. Eh ben, ça devait être ridicule. Voilà. Excuse-moi, mais moi, ça devait être gênant. Ça devait être un moment gênant, ça. Ouais, je pense. Elle a dû être excommuniée. Bon, en attendant, bon mariage à mon cul. Alors. Oui, merci. Tu nous raconteras surtout la vie. Oui, je vais m'éclater pour la suite. Dans un instant, il y aura les meilleurs moments du super jeu. Un mec qui prenait avec son père avait les dents de lapin, vous souvenez? Il arrêtait pas de lui faire. Ah, mais Bugs Bunny. Il adorait ça, le père, ça le faisait rire. Je vais te défoncer. On en parle juste après, Nicky Jam. Connais le docteur. Como tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país. Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo.

Il y a plein de gens qui vont en boîte. Enfin, moi, quand je vais en boîte, je danse pas, hein, bah, personnellement. Mmh. Ouais, tu dandines. Tu dandines, ouais, non, enfin, c'est pas de la danse. Tu bouges, quoi. Tu balances dandines. Un peu. Ouais, voilà. Les épaules, ah, quand même, les bras tu danses un petit peu. Toi, t'es pas obligé d'aller au milieu de la piste. Hein. On danse pas vraiment. Non, les mecs dansent moins que les nanas. Nous, les filles, on se met plus à fond. On essaie de bouger un peu les fesses. Mais moi, je ne dirais rien, ni pour ni contre Marine. J'ai jamais été un bon danseur. C'est vrai que tu danses pas en boîte. Mais je suis mauvais, je n'arrive pas à danser. Toi, tu prends ton petit verre de coca. Et puis t'es là, bah, et puis tu discutes en fait. Julie, en fait. Non, mais c'est pour ça qu'il mixe, au moins il fait des trucs quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu t'occupes. Je crois que je suis devenu DJ parce que je savais pas danser. Je crois que ça a été la raison qui m'a fait passer de l'autre côté. Ah ouais. Mais je crois en partie. Hein. Mais nous les filles, on aime bien danser. Nous, voilà, on vous mate un peu, ça fait partie moi, de la séduction. Ce qui me fait kiffer, c'est des discothèques, il y en a de moins en moins où il reste encore des glaces. Et t'as les mecs qui sont devant. Avec leur verre comme ça, ils sont juste devant la glace, ils se matent. Mais même les nanas, t'as des nanas qui font des chorés et tout devant la glace. C'est ridicule. C'est un ridicule. Peu ridicule, mais bon. Vous êtes bien content de voir les filles danser, et bouger leurs fesses et tout. Des mecs, il y a des mecs qui dansent bien. Voilà, moi je sais que j'ai pas le rythme non plus. Mais d'ailleurs, on dit qu'un mec qui danse bien, c'est un bon coup. Non, mais souvent, on regardez. Ouais. Je danse bien. Connerie ça. Je te snappé, toi. Bon, mais Marine, je crois que si t'oses pas danser, fais comme moi, mets-toi dans un coin, et puis voilà, on n'est jamais. Déjà. Non mais franchement même sur le dance floor il y a de la bouteille. Voilà. Là, tu fais quoi? Bon, je garde la bouteille. Voilà, c'est tout. Mais voilà, tu danses plus vraiment. Non, boîte, alors attention. Genre, maintenant, moi, quand je mixe dans des clubs, je vois pas non plus des gens faire des chorégraphies de ouf. Mais non, tu lèves la main. Si tu mixes un peu électro, globalement, tu bouges avec tes potes. Ouais, tu sautes un peu. De toute façon, on va se dire un truc. Si t'es dans un club où il y a beaucoup de monde, t'as pas beaucoup de place pour danser. Voilà. Donc non, voilà, Marine, c'est pas grave, ma chérie, du tout. Marine, je t'accepte, on va tenir la bouteille tous les deux, d'accord? Ouais, mais entre une nana qui danse en boîte et une nana qui bouge pas, tu vas aller vers quelle nana? Bah, moi je préfère une nana qui bouge pas et qui est jolie qu'une moche qui danse. Oui, évidemment. Non, on va choisir. Mais une fille qui a pas le rythme, c'est moche. Des fois, vaut mieux pas danser qu'une nana qui essaie d'en faire trop. Ouais, et qui est à côté. Ah! Arrête, t'es à côté, t'es à côté. Et les mecs, c'est pareil. Les mecs qui s'emballent, c'est ça le pire. Les mecs qui s'emballent des fois. C'est un jeté de pied. Ah, c'est magnifique. Bisous Marine, à bientôt ma chérie. Bisous. Je t'embrasse. Je t'embrasse fort. Voici un peu comme moi. Moi je m'appelle Seb. Vais vous le rajouter un E, ça fait Cib. Et c'est sur Énergie. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Just breathe. me all the dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. On démarre l'émission par ça. Vous savez que quand même Willy William, on est là. Et notre pote, il a été numéro 1 avec Ego en Belgique, en Hollande, en Italie, en Russie, en Turquie, en Israël, en Allemagne. Putain. C'est beau ça. En Turquie, en Russie. En Russie, chanter en Russie, ça doit être un kiff. Je suis pas allé encore là-bas. C'est plus frustrant ça. Tu peux chanter n'importe quoi en fait. Ouais. Franchement, ouais. Mais c'est impressionnant parce que je regardais les Shazam et je voyais numéro 1, il y avait Imani à 2-3 places derrière. Et je suis resté un mois comme ça, j'étais en train de me dire, mais. Ah, parce que là, t'as un trou de mémoire, il n'y a pas un russe qui va te faire. C'était pas ça les paroles. Je te jure, ils m'attendent avec les. Et tu vas y aller du coup ou pas? C'est prévu. C'est prévu, je fasse une grosse télé là. Et alors, cette info incroyable. attends, quoi quand même? C'est un truc de dingue. Willy William va chanter devant le pape. Le pape? Putain. Avec l'orchestre philharmonique du Vatican les 9 et 10 décembre. Non, mais comment ça s'est fait? Je sais pas. Il est fan sur Twitter, le pape. Ça, il le suit, ouais. Non, je sais pas. Ils ont fait une enquête. Le Vatican a ouvert une enquête sur ma chanson pour savoir si c'était pas sataniste. Oui, faut être pas sûr. Ça, par contre, c'est clair. Non, franchement, oui. On m'a dit que c'était au peigne fin et voilà, il en est sorti vainqueur et que les paroles leur parlaient, que la chanson leur parlait. Et c'est vrai que la maison disque qui a fait un gros travail, puisque j'ai eu la chance d'être disque de platine. Le patron, c'est le fils du pape. Donc, forcément, en fait, il y a des liens. Non, ce qui est marrant, c'est que ma maison de disque en Italie s'appelle Ego. D'accord. Et je sais pas, j'ai bugué sur ça. Je continue à me dire. Et non, ils ont fait un gros travail et c'est vrai que. Mais il y avait une présélection, il y avait un truc. T'étais en compétition. Ouais, il y avait Seth Gecko. Il y avait Gradure. Booba, Gradure, et ils ont gardé lui. On sait pas pourquoi. Non, il y avait personne. Ils ont. En fait, c'est le Noël du Vatican et en général, c'est soit des gros artistes. Si le Vatican fête Noël les 9 et 10 décembre, il faudra qu'on leur rappelle 2-3 trucs. Ouais. Parce que même si eux, ils oublient. Ça l'approche. Oui, voilà. Et non, la chanson, elle a vraiment été choisie. Mais t'as réagi comment quand t'as su ça? C'est un truc de fou quand même. T'es surbaptisé direct. Voilà, je me suis dit, je vais renouer avec moi qui n'étais pas très Vatican. Ah, t'es obligé. Ah, bah, t'es obligé. Là, j'ai pas le choix, là. T'es obligé. Parce que je suis plus dans les théories de complot, Vatican, non, tout non, ça. Non, mais dis pas, parle pas. Dis que tu nous invites à ta communion, par contre. Oui, et puis je vais arriver en blanc. Mais parce qu'il fait baptême, communion, il fait tout en attendant. La totale. C'est où, du coup, tu sais? Vatican. Non, j'ai pas encore. C'est dehors, il y a un endroit spécifique. Non, je pense que ça va être à l'intérieur, dans un endroit tenu secret. Grand public. Chapelle Sixtine. Oh, t'imagines non, la classe sais pas, ouais. Non, je sais pas, mais moi ce qui me met la pression, vraiment en fait, plus la pression, c'est de chanter avec. Voilà, c'est moi, c'est ça en fait. Qui me... Mais quelles chansons ils vont faire avec la pression? Ego, et apparemment je fais un chant de Noël aussi. Ah ouais. Attends, et c'est ça en fait qui va me. Parce que je sais que ça, c'est une archive qui va finir. En latin. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances, mec. Il y a des chances. Donc ça va finir en. Ouais, ça va ressortir et. Attends, ça. Allez. Ouais, grave, on te voit bien la presse. Ah ouais, ça peut le faire, grave, de ouf en fait. Ça peut te faire une version de ouf, mec. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Mais j'ai déjà dans la nouvelle, pour rebondir sur autre chose, dans le. Costard cravate. J'ai fait une version acoustique, comme il y en a qui n'aiment pas ma guitare. Faut pas de qui tu parles. J'ai fait une version acoustique d'Ego qui est dans la réédition de l'album et que je chante un petit peu partout et qui est très. Qui a aucun rapport avec l'original. Voilà. Laisse-le vivre. Tiens, on a Will, qui Cassandra qui voulait te faire un bisou à Willy. On a William. Cassandra. Oui, bonjour Koé, bonjour toute équipe. Salut ma belle, bonjour, bienvenue chez nous. Allô. Oui, ça va? Oui, et toi? Oui. Voilà, j'aurais deux petites questions. C'est pour savoir si tu avais l'intention de faire une réédition de ton album ou un nouvel album prochainement. Ah, c'est vrai. C'est une bonne question. Je me tâte moi aussi. En fait, je sais pas. Évite pendant que tu chantes. Il y a une édition collector. C'est soit ça sort la semaine prochaine ou. Non, il y a une réédition. Il y a une réédition collector de l'album qui sort là avec. Parce que ton album, il est vraiment, vraiment chouette. Mais quand je fais mon ménage, je passe plus de temps à danser qu'à faire mon ménage. Il y a la version Paris avec Chris Cab. Il y a quoi? Il y a Ego, tu nous disais, en version acoustique, oui. Ça. Il y a la version avec Matt Cohn aussi. J'ai un featuring avec eux. C'est bien ça. Ouais. On peut l'écouter le truc avec Matt Cohn? Bah, on le passe. Hein? On l'a passe sur l'énergie. Bah oui, il est en rotation. Justement, mais je l'ai pas là. Pourquoi je l'ai pas dans mes trucs? Pourquoi je l'ai pas? Ouais, c'est danser avec la pêche. Je suis ravi de danser avec la pêche. Je suis ravi de te donner la pêche et auquel cas t'enverrai une boîte de Juvamine. Ah bah si. Te fais un grand bisou. Bisous Cassandra. Merci. Je t'embrasse fort. Est-ce que le pape a visionné cette séquence qu'on a de toi, les couilles à l'air sous le kilt. De toute façon, est-ce que tu veux qu'on lui envoie? Je m'attendais. On pourrait lui en parler. Ouais. Je m'attendais. Est-ce que tu veux qu'on lui envoie le dos? Sur un moment donné, on voit un bout de Bakary. De William. Ça peut être bien. Non, ça peut lui faire plaisir, ça peut le détendre. Oui. De toute façon, c'est déjà fait. C'est déjà acté et tout est signé. Donc. Au moment où tu vas chanter, toc, je lui envoie sur Twitter, hop, qui regarde comme ça. Tu sais, le mec, un gars qui va hacker le truc, tu sais, sur le vidéoprojecteur pendant le truc avec pendant le harmonique. Et on voit qu'une couille qui va comme ça. Et on voit le. Avec le tempo. Vache. On l'a le titre. Vas-y, mets-moi le. J'avais envie d'écouter ça. Il est bien ce titre en plus. Mm. Chloé, on écoute de la musique, tu nous aurais pas. Hein. Non, ça, c'est dans la réédition. Ouais, c'est dans la réédition. D'accord. J'avais envie d'écouter. Chloé, pose ta question, ma chérie. Après, on se fera le titre en live. À toi. Puis on va jouer avec tout le public. Salut Chloé, déjà, salut toute l'équipe. Salut Willy William. Salut. Alors, moi, ma question, c'est pour savoir si c'était toi qui choisissais avec qui tu faisais tes featuring. Et du coup, savoir si tu faisais d'abord écouter la musique ou si c'était vraiment au feeling avec l'artiste, en fait. C'est au feeling avec l'artiste. Des fois, j'ai des petites envies dans ma tête et on me dit ce qui est réalisable ou pas. J'ai voulu faire avec Michael Jackson, on m'a dit non. Eh non, non. On m'a dit la Sedai. Super humour ce soir. Non, mais c'est mort, je peux pas. Ouais, c'est chaud. Non, en général, j'ai mes petites idées. J'essaie de faire en fonction de mon projet artistique. Et puis, après, le reste, c'est vraiment de la vibe. Il y a des gens qui refusent. Ouais. Ouais, j'ai des refus, mais après, j'ai envie de dire c'est des refus justifiés parce que bah, quand tu demandes un featuring et que la personne est décédée. Dans... Mmh. Ouais, ah oui. c'est justifié. Non, en général, quand l'artiste est sur le point de sortir son album ou l'artiste va rentrer en promo, il se dit non. Non. Mais je comprends, j'aurais la même. Et il te dit la même chose. Il te dit ton titre est meilleur que le mien, donc non, je vais pas me. Ouais, ça peut arriver des fois, hein. Il y a tout un tas d'histoires comme ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est au feeling, tout se fait au feeling. Je te fais un gros bisou, ma petite Chloé, je t'embrasse fort. Gros bisous, et en tout cas, continue comme ça, parce que sur scène, tu déboîtes. Merci beaucoup bisous, à toi. Ma belle, à bientôt, ma Chloé. Alors, avant que tu déboîtes ici avec nous dans le studio, voici le où est-ce que je me balade. Attention. Tu vas jouer et toute l'équipe va jouer. Ouais. Chacun votre tour, je vais vous montrer du doigt, je vais décrire une ville et vous allez devoir me dire je me balade. Tu vois, avec la chanson je me balade dans. On verra. Sur la description. En fonction de la description. Okay. On commence par. On va faire simple. Pietre. Vas-y. Tu te balades dans la rue, il y a des cagoles qui crient Paris, Paris, en tank. Je me balade dans Marseille. Bien joué, Pietre. Pourquoi vous faites dire ce mot-là à chaque fois? Bien joué. Guéguette, tu te balades dans la rue, tu croises un mec bourré qui deal du beurre et des crêpes. Je me balade dans Bretagne. On y est, c'est excellent. On va faire plus difficile. Oh putain. Ça va être pour moi encore. Ah, celle-là, elle va être dure. Si, elle est bien. Tu te balades dans une ville. C'est pour toi. William. Tu te balades dans une ville où ils ont tous des assiettes en porcelaine. Il y a des loups, tout est fermé, on est vendredi, il est 21h. Oh la vache. Ah, porcelaine. Porcelaine de Limoges. Oh. Je sais pas de. Je me balade en Limoges. En Limoges. Non, dans Limoges. Qu'est-ce que j'ai dit Limoges. Dans Limoges. T'as dit en Limoges. Non, j'ai dit je me balade. C'est pas une voiture, dans Limoges. Limoges. Est-ce que tu t'appelles Willy William? Parce que c'était. Je l'ai aidé. Il a aidé. Tu crois qu'on va l'aider quand tu auras le pape devant lui? Ah. Il y a un drone de mémoire. Je me balade dans Limoges. Pas en Limoges. Mais oh, dans Limoges, on dit. Je l'ai refait pour toi. En Limoges. Oui. Non, dans Limoges. Ouais, dans Limoges. C'est toi qui dis en, non, on dit dans. Non, mais t'es sérieuse? Refais-le. Bah, réécouter. Refais-le. Je me balade dans Limoges. Ah, parce que le dans tout à l'heure. Parce que tu mets que un D pour baladant. Ouais, baladant. Baladant. Ah, ouais. Merci, balade Julie. Dans. Attention, Willy William, tu te balades le long de la plage, tu croises des vieilles toutes refaites avec leur caniche, alors qu'à la télé, dans cette ville, il n'y a que des bonasses sur un tapis rouge qui montent des marches. Ah! Je me balade à Cannes. Bien joué, bien joué. Julie, plus difficile. Voilà. Tu te balades le soir, tu veux aller en boîte, mais tu peux pas parce qu'elle a brûlé. Alors tu vas dans une autre, mais tu peux pas parce qu'elle a brûlé aussi. Ah, je sais. Tu vas plus loin, mais elle a également brûlé. Où es-tu? Je me balade dans à Montpellier. C'est bien, c'est voilà. Stouf, tu vas jouer au standard, d'accord? Oui. Tu te balades dans la rue, tu croises Kimberly, une fille de 17 ans qui a déjà 3 enfants, qui va au stade pour supporter les 100 et or. C'est Julie qui a écrit cette question. Ouais, oui, elle narcisse. Pas ça. Alors? Je me balade à Lille. Allons! Lance-moi, toi, tu connais le président, lance-moi, lance-moi, enfin, pas loin, c'est pareil. Lance-moi, ton président, il boit. C'est ça le truc? Non, c'est pas le truc, mais ça pourrait être le truc. Julie, oui, tu te balades dans une ville où tout le monde roule en Peugeot. On est vendredi, il est 19h, tout est fermé, il y a des loups. Ah, oui, il faut le passeport là, mais j'ai perdu le nom. Il faut le passeport. Ouais, tu as des passeport pour y aller. Des Peugeot. Non. Ah merde, je sais pas. Où est-ce qu'on construit des Peugeot? J'en sais rien. Oh là là, Dunkerque. Un peu de culture, j'sais merde. Pas, tu sais, on construit les Peugeot, toi? Je sais pas, Peugeotville. Sors. Bon, on avec qui être. Je me balade à Sochaux. Ah voilà, c'est là que je passe pas. Sochaux, mais j'avais plus long. Sochaux, c'est là où il y a des Peugeot. Il y a que des Peugeot et des loups. Il y a que des Peugeot et des loups à Sochaux. Oui, c'est ça. Des corbeaux. Et des corbeaux. T'as jamais fait de. Bah, j'ai fait tous ces endroits-là, mais j'ai pas le temps la journée de voir des loups ou des Peugeot. À 10h, il faut prendre le train, tac. À 10h, il n'y a plus de Peugeot, il n'y a que des loups. Ah ouais. Il n'y a plus de train. Bon, on se fait le titre en live ou pas? T'es prêt? Allez, vas-y. Tu peux sortir la guitare? Ouais, la guitare. Non, je vais vous expliquer l'histoire pendant qu'il s'installe. C'est que Willy est arrivé avec une guitare. Oui, une petite parce qu'il voulait nous faire la version en acoustique. Vous imaginez ce que ça donnait? Je me balade dans Paris. Qui a le droit? Qui a le droit? Et là, on lui a dit, merde, on est vendredi soir. Ah ouais, pas on veut faire la teuf. J'avais oublié qu'on était vendredi. Mais oui, on est vendredi, tu vas pas nous faire la Dolce Vita. Ah. Vendredi soir, musique à fond, je me balade dans Paris, d'accord? Le public, vous êtes prêts? Ouais. Willy William sur Énergie. J'ai mes petits danseurs avec moi. Ouais. Venez.

décembre à chanter devant le pape. Je voudrais quand même dire que pendant la chanson, on a tout filmé, on va vous mettre ça sur YouTube. Il y a la chanson, il y a deux petits enfants qui sont dans le public, on n'a pas les prénoms, amène les micros. Qu'on ait les prénoms des petits là, j'ai envie d'avoir les prénoms. C'est Kylian et Cassidy. Kylian et Cassidy ? Oui. Ça va ? Ça va. T'es fan de Willy William ? Oui. Non, c'est mes parents qui m'ont forcé. Moi, ils avaient déjà vu avec Kinvey. Et Kinvey aussi, d'accord. Oui. Et vous avez dansé, vous étiez mignon comme tout sur les deux. Vous avez demandé un cachet pour la chorégraphie ? Hier, je suis passée à C'est mon choix. Elle place sa. J'étais avec Evelyne Thomas, c'était bien, elle était gentille. Oui. Elle est gentille, Evelyne Thomas. Oui. Bah oui. Elle est jolie en plus. Bah elle est gentille surtout. Ouais. Et elle était. Et c'était pourquoi Evelyne Thomas? Ben c'était pour. J'espère que t'as mieux parlé hier hein, quand même. C'était pour chanter. Ah t'as chanté. T'as chanté quoi? Bah dans un mère Kinley. Ah. Et puis Willy, quand est-ce qu'on s'endort avec Kylian? Vas-y, fais-moi une des deux chansons là, comme ça pour voir. Ils les connaissent par cœur. Hein, genre, pour voir, comme ça, vas-y. Avec Kiki, ça serait bien. Fais-la avec Kiki, fais-la avec Kiki. Vas-y. D'abord, c'est Kylian. Voilà, mais vas-y, fais-la, n'hésite pas. Il est 5h du mat, les moutons veulent les écouter. Le silence me met des claques. Je suis en pleine négociation avec Morphée. Je suis foutu, j'ai pas sommeil. 4 heures avant d'aller taffer. Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête avec mes pensées. J'ai tout essayé, mais rien ne m'endort. Rien ne m'endort. Je crois que Morphée se fout de moi. Il a volé mes moutons pour les compter. Dis-moi quand est-ce qu'on s'endort. Ça, ils ont le rythme, hein. Quand est-ce qu'on s'endort? C'est bien, non? Ah ouais, carrément. Quand est-ce qu'on s'endort? Et tu as raison de prendre des danseurs de cet âge-là, tu n'as pas les payés. C'est moins cher. T'as tout compris. Par contre, fais très attention parce que si le pape apprend que tu fais des trucs avec des gamins, ça peut l'intéresser. Danser, surveille-les, on va dire. Ils ont eu des soucis par le passé, donc maintenant ils font gaffe. Hein. On a Olivia qui voulait te faire un bisou. Ça va, Olivia? Ils sont bons, ça. Ça va, Chloé? Bonjour, Willy. Bonjour à toi. Bonjour, bisous. Bonjour, bisous. Salut, allez Olivia, à toi, vas-y. En fait, Woody, je voulais savoir quelle est ta plus grande fierté durant ta carrière. Ma bite. Qui a dit ça? C'est DSK. Qui a dit ça? Parce que c'est sa carrière. Voilà. De continuer à faire de la musique et d'en vivre, tout simplement, d'avoir la chance de voyager, de mettre mon entourage, ma famille dans tout ça, et de donner de la joie et de la bonne humeur. De continuer à le faire et d'avoir la chance de pouvoir le faire, parce que c'est pas donné à tous. Donc, et tu le fais bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu voyages bien. Tu es un mec qui voyage bien. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui rêvent des fois de faire de la musique, qui rêvent d'être DJ, qui rêvent de et qui n'en vivent pas et qui et là c'est vrai que quand on a la chance, toi t'as la chance d'avoir des gens qui vont s'éclater, chanter, danser, acheter des disques, venir et que t'en vis, c'est génial. Ouais. Tu t'éclates. Je pense qu'il faut le savoir et vraiment en être reconnaissant et voilà, je pense qu'après artistiquement, si t'es motivé, tu fais les choses en fonction. Non, et puis surtout c'est pas pour passer du cirage, mais t'es monté en gamme au niveau de la carrière, c'est mortel. Enfin, t'es sur un truc un peu festif, machin. 64 ans, je suis passé du kilt à la guitare qu'on veut pas qu'on mais voilà. Mais maintenant t'as un vrai statut et tout machin. Pas encore le statut de je chante avec la guitare en live. Ça c'est la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Il a raison. Ça fait longtemps que t'es dans le business et là, bam. T'es monté d'un cran. C'est cool, quoi. Oui, petit à petit. Ah, mais c'est bien. C'est pas donné à tout le monde, quoi. Oui, c'est pas donné à tous, mais. Je pense qu'il faut avoir vraiment fait du terrain vraiment pour être à l'aise après quand les choses se passent, et ça t'évite déjà de retomber de je sais pas d'où, de vraiment garder les pieds sur terre et puis d'avancer intelligemment, parce que tu sais sur le terrain comment les choses sont. C'est vraiment sur le terrain que ça se fait, et puis chaussons. Voilà. Toi aussi, tu fais comme Julie. Je sais comment les chaussons. Les chaussons, monsieur. Je te fais un bisou, Olivia. Je t'embrasse fort, ma belle. Moi aussi, je vous embrasse tous. Merci. Gros bisous et embrasse toute la famille. Avant de partir, monsieur Willy et William, puisque cette chanson, celle qu'on a tous. Quand on se balade dans Paris, on se balade comment? En vélib. Bah lui, il a troqué sa voiture pour un vélo. Imagine, il n'y a plus de vélo. Parce que des fois, ça arrive, il fait beau, il n'y a plus de vélo. Ok, il n'y a plus de vélo. Comment on se balade dans Paris? Bah à pied. Hey, oui. Et si on n'a pas envie, parce que c'est loin. S'il faut prendre un transport. On se balade comment? En Uber. Mais on n'a pas l'argent, moi ça me saoule. On n'a pas l'argent, alors il n'y a plus de Uber disponible. Le mec, qu'est-ce il propose une surcharge, une surtaxe de 2 fois 1 000 prix. Tu dis non. On se bat comment? Je sais pas, il y a plein de moyens. Il y a le train, il y a le tram, il y a le bus. Il n'y a pas le tram à Paris. Si, il y a des endroits, il y a le tram. Ah ouais, il sort un peu plus tout le temps. Oui, c'est les trams. Oui, tout le long. Versailles, ouais. Port d'Orléans. Mais plus simplement à Paris, il y a le. Ça va partir hein, si tu fais semblant. Non, je sais pas, il y a le. Métro. Le métro. Ah oui, le métro. Bah, ça me paraît tellement évident que c'est justement. Même pas. Je vais te poser des questions simples. Est-ce que tu vas aller jouer de la guitare dans le métro? Tu es dans le métro, cette barre du métro symbolise le métro. Dans le studio, on a mis une barre, on n'a pas mis une vraie barre de métro. Tu vas prendre un micro main et tu prends le métro. Donc tu prends le métro, t'es tout seul. Tu tiens ta barre. D'accord. Ça. Je vais te poser une question sur Paris. Si tu réponds bien, écoute-moi bien. Si tu réponds bien, tu restes tout seul dans ton métro. Si tu réponds mal, la moitié du public viendra se coller à toi en rentrant dans le métro. C'est l'heure de pointe. C'est l'heure de pointe, il est 17h. Voilà. Si tu réponds mal une deuxième fois, un mec qui pue de la gueule viendra te parler dans le métro. Ce sera qui? Si tu joues mal une troisième fois, un type va rentrer essayer de te jouer de la flûte et de te prendre de l'argent, s'il vous plaît. Si tu réponds mal une quatrième fois, il y aura un pervers aux mains baladeuses qui viendra aussi dans le wagon. Tu es prévenu, fais un effort. Voilà. Pour l'instant, tu prends le métro. Allez, vas-y. Voilà. Il a peur. Attends. Ça reste dans le studio. Hein. Il arrive, voilà. La porte s'ouvre. Laisse-moi ouvrir la porte. Là. Laisse-moi ouvrir la porte. Vite, rentre, ça va te fermer. Vite, voilà. Ah, ça y est, il est rentré juste à temps. Il est rentré juste à temps. Tu es dans le métro, ambiance de métro. Willy William, quand a débuté la construction de la Tour Eiffel? Ah là, c'est chaud. À 2 ans près. Ouais, elles sont inscrites partout, les dates. Elles sont inscrites partout. Il n'y a pas ça chez moi à la campagne. En 1800 quelque chose. Oui, ouais. 1814. Ouais, non, c'est plus tard. Tu t'y prends tôt. Ouais. 1877. Je savais que c'était un 7. Nous allons donc faire rentrer. Réouvre la porte. Je réouvre la porte, nous allons faire rentrer le premier rang. Allez, tout le monde vient tenir là-bas. Tout le monde tient la barre autour de lui. Autour de Willy William. Voilà. En plus, t'as le même problème que moi, c'est-à-dire que t'es petit, donc dans le métro, il suffit qu'il y ait un grand dessus toi. On s'en fout, Julien. Non, parce que c'est les histoires. On sait que tu prends pas le métro. Nous, on fait 1m80, on s'en prend les histoires de petits. Donc, on joue pour le deuxième rang. Je peux prendre un strapontin. Non, voici la deuxième question. Quelle est la hauteur de l'Arc de Triomphe, puisque tu te balades dans Paris? 230 mètres. Ah bah tu te balades mais tu regardes pas. 50 mètres, deuxième rang s'il vous plaît, venez. On ouvre la porte. J'ouvre la porte, mettez-vous bien autour de Willy. Voilà. Serrez-vous, c'est le bordel. C'est l'heure de pointe. Il est pas mal là. Mais messieurs, dames, me poussez pas comme ça. Venez là. Derrière là. Mais vous savez pas qui je suis, mais me poussez pas comme ça. Voilà, très bien. Je vais vous faire un procès, moi. Ne me poussez plus, pas comme ça. Willy, c'est ça qui est bien, on est dans le métro. Willy. C'est quel métro ça? Willy, nous jouons pour le troisième rang. Ça va à Barbès ça. Quelle est l'adresse de Musée du Louvre? Quai du Louvre. Génial, c'est Rue de Rivoli, le troisième rang, vous venez s'il vous plaît. Allez, t'es facile. C'est chaud. Bah ouais, mais comment tu veux que je me concentre avec les gens là? Il y en a un qui a fraudé, il a pas payé, j'ai vu. Très bien. Serrez-vous bien. Hein. Nous jouons maintenant pour le mec qui pue de la gueule. Ouais, mais non, c'est bon, je crois, on a tout ce qu'il faut là. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle là-bas? Il y en a déjà qui puent de la gueule. Et ils sont 10. Comment ça s'appelle? C'est très beau d'ici, t'es beau. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion, je sais pas. Il y a une émotion derrière moi, je sais pas c'est quelle émotion. Je sais pas si c'est la joie ou la bonne humeur. Il a l'air très content de te voir. Ah ouais. Comment s'appelle la basilique de Montmartre? Basile. Bah oui, la basilique Saint-Pierre. C'est le Sacré-Cœur. Voici le mec qui rentre dans le métro qui vient de croquer un oignon. On joue maintenant pour le mec aux mains baladeuses. Voici la dernière question. Il m'a lâché un bout d'oignon sur la tête. Combien y a-t-il d'ascenseurs dans la tour Montparnasse? 4. Bonjour. 25, voici 25. Un... 25. Mais c'est quelle tour Eiffel? Waouh! Que se passe-t-il? Ouais. Ah, t'as vu, j'ai fait de la muscu. Hein. Excusez-moi. Les métros les plus chauds de ta région. Région t'attendent. Pervers. Bravo, c'était Willy William qui était là. Bien joué. Viens, t'as eu chaud, il y a une odeur, viens. La petite lui fait des bisous. Pierre, il pue de la gueule. Tu schlingues, toi, mec. C'est toi tout seul qui viens de faire un ouais, ça fait 5 minutes que j'ai le bras tendu comme ça pour que je vienne de me serrer la main. S'il vous plaît, madame, on m'a oublié dans le wagon. Je voulais te serrer la main, je crois. Je voulais te la laisser en main. Je pense que je peux tenir. Il y a des mecs qui sont, ils ont tenu une heure comme ça, ils sont morts. Ah, t'es là. Faites du bruit pour Willy William qui était là. L'édition collector de Willy William à ne pas rater. Et un gros merde pour chanter devant le pape. Parce ah que ouais. Je suis... Non mais on rigole, mais ah, il fera pas le malin. Orchestre philharmonique. Je fais pas le malin déjà. Tu penseras à nous hein, à ce moment-là. Surtout là, sur la chanson de Noël en fait. Le chant de Noël, c'est mec. Ça, le chant de Noël, c'est fini. Bah, on va scruter. Ouais, t'inquiète. Hein. Est-ce que t'en as un déjà que tu voudrais chanter? Je suis sûr que t'as déjà regardé des petit chants. Petit papa Paulo. Je suis pas très chant de Noël du tout. Ah ouais. Il y a quoi? La belle nuit de Noël. Il est né. Le divin. Non, tu connais pas ça. Il faudra chanter le divin enfant. Il n'y a pas aux Antilles, non. Tu fais la version antillaise. Ah, c'était quoi? Il est né le petit caripous. Ouais, la compagnie créole, si, ils en avaient. Noël. Joyeux Noël. Ça me parle. Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on éteint la télé. Ce soir, ensemble, on va chanter. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Et après on connaît après, plus les paroles. Plus, voilà. Soprano sur Énergie, faites du bruit pour Willy William. C'est vendredi soir, la fête continue. Vous qui nous écoutez chez vous, qui nous écoutez dans les bagnoles, si vous êtes peut-être en départ pour le week-end, c'est le bordel. Vous êtes chez vous en train de bosser pour les devoirs de lundi, c'est le bordel. Vous êtes tout seul, votre copine vient pas ce soir, c'est le bordel. Nous on est là jusqu'à 22h et tout va bien. Et Julie pète la gueule, c'est le bordel. Piette, pardon. Ah d'ailleurs, mais non, Piette. Je suis chaud, Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande carte de bandage. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. Équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Toi moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Comment ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Appelle les pompiers. Oh, appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Ça y est, c'est là. C'est l'heure du coming out de Coé. Non, attends. Du comeback, bah oui, sinon, pardon, bah... c'est un lapsus. Oui. Mais au moins comme ça, vous êtes au courant. Ouais, n'importe quoi. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est tous là, j'espère que ça va chez vous. Allez, qui regarde des pornos dans le public? Ah, au moins t'es clair. Non, personne qui lève la main, hein, les mecs. Non, bah, évidemment, les mecs du premier rang, pas. Bah, non, bah, c'est personne. Bah non, c'est personne. Vous êtes des romantiques. Bien sûr, pas. Tiens, passe-moi chemise. C'est bien parce qu'ils disent non, mais avec un grand sourire. Jamais, t'es jamais allé dessus. Non, jamais. Jamais. Glisse par erreur. Sinon, ça ne tient pas, c'est pas crédible. Une erreur, même, par erreur. Même par erreur. Non. Non. Hein? Non, que BFM TV et Boursorama. Voilà. Vous voulez mettre Boursorama, il est arrivé sur Bourse d'un copain. Je regardais quand même, mais évidemment, personne n'a jamais regardé de porno dans le public. Évidemment. Mais, vous mais ils disent même pas non, ils sont terrorisés. Hey. Ils sont terrifiés, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont là, ils disent peut-être qu'il a la preuve. Il n'y a que des majeurs en plus. Écoutez-moi bien. On apprend d'abord que sur les chiffres d'internet, 12% des sites du monde, 12% des sites sont des sites porno. Wow. C'est colossal. Énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Le porno sur internet, c'est 30% du trafic mondial. Wow. Mais pas dans notre public. Hein. Non, notre public, ils savent pas ce que c'est. Pas dans l'équipe non plus. Non, dans l'équipe. Moi, j'ai reçu un mot de Google qui m'a dit vous n'y allez jamais, monsieur, c'est trop peu. C'est vrai, pareil. Ils m'ont obligé à y aller. Donc maintenant, je regarde la météo, bam, un truc de cul qui arrive. Obligé. Il n'y a pas les sites porno sur mon ordi, moi. Non, mais moi, non, je ne sens plus. Non. C'est pour ça que tu reçois des mails. Et il paraît que seulement sur les deux plus gros sites porno du monde en 6 ans, ils ont visionné 1,2 million d'années de films porno. Ça vous donne une idée ou pas? Oh la vache! Sur deux des plus grands sites porno, en 6 ans, il y a eu l'équivalent de 1,2 million d'années de films porno de visionnés. C'est ouf! Ça vous va ou pas? Ah, ça en fait du. Ça en fait du mouchoir. Imaginez, ça me dégoûte. Ah, ça en fait de la chaussette sale recroquevillée qui est toute sèche. Ouais, qui colle le lendemain matin. Vous imaginez si on regardait 1,2 million d'années de tutos, ce que ça donnerait? Ouais. Des tutos, on serait trop intelligent, on saurait tout faire. Ah bah ouais, tu mets 1,2 million d'années de tutos, tu sais tout faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non. Ouais, c'est, c'est horrible. Et bah, finalement, non. Nous, on préfère rester con avec les couilles vides. C'est qui a dit ça? On a choisi. Qui a dit ça? C'est toi. Enfin, restez là, on est vendredi soir, on peut le dire, c'est la fête, ça va, le mon coucougnette, on peut le dire, c'est pas grave. Restez là avec tout, bougez pas, on se fera des bisous dans un instant. Je te ferai des bisous. Énergie numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Énergie, it, music only. Banzai Noodles de Lustu Cru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodles de Lustu Cru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi avec Orange Cash en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson.

you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Guéguette, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Shopping et massage. Massage? Non, massage, ouais. Massage quoi? Massage de la table. Massage avec finition. Massage avec finition. Avec finition manuelle, bien sûr. Tu fais un massage en amoureux? Ouais, tu sais, c'est les box là, quand tu mets un an à utiliser, puis on va se faire ça. Oh, moi, j'ai toujours pas utilisé aussi. Ça dure 3 ans. Hein. Ah ouais? On m'a offert plein de box, j'ai jamais fait les trucs. Guéguette, Pierre, qu'est-ce que tu vas faire? Sport et teuf derrière. Ouais, je fais les deux en ce moment. C'est bien, ça va, ça va ensemble. Bah, il paraît, ouais, il paraît que plus tu fais du sport, ça annule les teufs. J'ai vu ça, j'ai vu l'info. Tu t'es déjà entraîné hier soir. Ça n'a jamais marché. Hein. Bah, il y a une étude des scientifiques du Michigan qui ont dit que quand tu fais du sport avec l'alcool, ça t'a. Les scientifiques de chez Canterbro. Si tu fais 5 minutes de sport, bah, t'annules tous les bières que t'as bu. Laisse-moi y croire. Ah non, bien sûr que non, ça marche pas. Bon, qu'est-ce que vous allez faire le reste de l'équipe? Stouff, moi je garde le fils de Julie. Ah bah oui, du coup. Voilà. Ah la louche. Oui, parce que les enfants sont interdits au mariage. Ah, ça c'est bien, voilà. Par contre, ça c'est trop bien. Bonne idée ça. Ah, ouais. Connaissant ceux qui se marient, c'est pas plus mal. Bon, Mika, tu vas faire quoi? 2-3 rendez-vous. Oh, professionnel. Des russes. Professionnel. Des prostituées russes que je rencontre pour des projets professionnels. Bien sûr. Bon, moi je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu fais toi ce week-end d'ailleurs? Je reprends les One Man au mois d'octobre. Donc là, je me repose parce que j'ai un truc à Saint-Mer. Ça me fait beaucoup plaisir. Ah, c'est drôle ça. Dans le Nord, il y a des trucs un peu partout. En Gironde, là, à côté de Bordeaux, il y a un one man. Je vais peut-être aller remixer à la plage, je crois qu'on va faire ça. Bien, ça. Donc j'ai un mois d'octobre et novembre très rempli. Et j'ai un mois de septembre. Profite. On lance la radio, on lance la télé. On va enregistrer l'œuf ou la poule au mois d'octobre. Ouais. Je le dis pour le public, c'est le 17 octobre. 17 octobre, c'est ça. Si vous voulez venir à l'enregistrement de l'œuf ou la poule, on fera 2 émissions dans la même journée. Donc voilà, si vous voulez venir aux enregistrements de C8, bah, vous êtes les bienvenus, vous venez nous voir et puis vous serez avec, on vous invite. La semaine prochaine. Maître Gim sera là. Et grosse surprise à venir en invité dans l'émission. Oh, je peux pas l'avoir à mon oreille. On peut pas à mon oreille. Non. Ah bah non, il sait pas ce qu'il va dire. Si tu lui dis à l'oreille, il va le dire. Non, je ne dirai pas. Je dirai pas. Tu dis pas parce que sinon ça peut annuler. Ben, je dis pas. Je ne dis pas. Tu le répètes pas. Hein. Je vous jure, je le dis pas. Il me le dit à l'oreille. Énorme. Vas-y. C'est énorme. Vas-y. Ah. Lequel je peux dire et que je peux pas dire? Lequel je peux dire et pas dire? Ah, mon pote est de retour. Il va revenir? Oui. Le retour de Pitbull qui va revenir nous voir. Non. Ah, c'est bon, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et une autre, on peut pas. Et grosse resta. Ah, par contre, voilà, je ne peux pas vous le dire, mais vous allez la kiffer si je vous le dis. Dans quelques jours, il y aura Koongs. Il y aura Amir, il y aura Alvaro Soler, il y aura toutes les stars qui sont là, il y a ma fiancée Kinbe qui va venir, il y aura Ken Jones. Et Kev Adams et Gav. Et Gav Adams et Gav. Gav. Gav et Gav Adams qui vont passer. Hein, vous êtes content que Gav y vienne? C'est sur ces moments d'alcoolisme. Parce que toi aussi t'es fatigué, tu mérites que je te snap. Ouais. Hein. C'est quoi? Je me snap pas surtout pas. C'est quoi? Ah non, ne fais pas ça, sinon je casse le studio. Bah, quitte le studio, on s'en fout, on est le week-end. Ouais, voilà, c'est bon, fini. Bon week-end, on vous embrasse. On a gardé le meilleur pour la fin. Pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie, on y va. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. Il est 22h pile, on est en direct, hein, nous. Guillaume Radio 2.0, les deux dernières heures de la journée, même le vendredi si vous sentez soir. Ces soirs ensemble, toutes les fins de journée là, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les copains. Si vous êtes peut-être en train de sortir en voiture ou entre amis là, peut-être en train d'aller au restaurant ou en train d'écouter du boulot si vous bossez le vendredi soir, on se fera toutes les grosses nouveautés. On se fera Snake avec Justin Bieber. On se calera tout à l'heure là. Salut Guillaume, Thomas, 27 260, salut l'équipe, trop content de vous entendre pour deux heures de fou rire avec vous. Ça fait 5 ans que je vous écoute et je ne regrette pas. Bonsoir Jessica de 2A, dédicace à ma cousine Océane qui vous écoute depuis 3-4 ans. Bonsoir Céline aussi. Bonsoir à l'équipe, trop content de vous retrouver en ce vendredi soir. Salut Caro du 79. Guillaume et votre texto au 612. Si vous voulez balancer un petit message à l'antenne, vous pouvez le faire comme ça en 2 secondes. Vous envoyez juste un texto au 61112. Vous commencez le texto par Guillaume pour qu'il arrive dans mon studio, sinon il n'arrivera pas, même si vous l'envoyez au bon numéro. Faites un espace, Guillaume, un espace, c'est le message. Vous allez voir, c'est marrant à entendre un message en voiture si vous êtes avec des potes. Bonsoir à l'équipe, trop content de vous retrouver. Voilà, Caro du 79, vous écoutez tous les soirs, un vrai bonheur. Amandine de Sauvin, gros bisous ma chérie. 27 ans, salut la Dream Team, c'est parti pour la dernière de la semaine. Salut RCEA Ghost 18. Salut les gars, les habitués là. Salut Birdie du 7-3, c'est un plaisir de vous retrouver les potos. L'équipe qui s'installe ce soir aussi avec Julien, stagiaire qui est là. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ça va, t'as passé un. J'allais dire un bon week-end. Bah, bientôt un bon week-end, mais on a, une bonne journée. On a préparé une interview la semaine prochaine qui va s'annoncer une émission surprise. Voilà. Avec plein de choses. Bah, on peut le dire de toute façon, puisque c'est dans. Dans 6 jours, exactement. Ouais. Voilà, jeudi prochain. On a récupéré, je vais vous le dire dans deux secondes, on a juste des Xbox One S à vous offrir encore ce soir. Ça va, JM du standard? Ouais, salut Guillaume, ça va au taquet, ouais. Ça va, t'as passé la bonne journée aussi? Ouais, ça va, je suis pas allé au sport au final aujourd'hui parce que j'ai eu mal au bras au réveil. Ah, parce que il s'est remis au sport, ouais. JM du standard. Ah ouais, ça demande aussi. Pour l'été prochain. On prend la salle de sport et qu'on s'en pousse un peu là. C'est ça, ouais, grave. Et alors. Au final, je suis pas allé parce que j'avais mal. Ça fait des courbatures, hein. Ouais. On reprend le sport un peu fort. Ouais. Je viens de te voir. Oui, désolé Guillaume, mais j'ai j'espère qu'on a la vidéo. Non, arrête. J'espère que le caméraman. Non, non, j'espère pas. Non, ça va. Je vous jure que c'est vrai. Il vient de se moucher dans sa manche. Non. J'avais un truc dans le nez, excuse-moi. Il s'est mis le doigt dans sa manche et il s'est trifouillé le foie. C'est mieux que les doigts déjà. Bah non. J'ai mis mon t-shirt. Non, mais il faut mieux que tu fasses ça. Ça va. Avec la manche. Je pensais passer un comité. J'ai pas vu, j'ai raté ça. J'espère que le caméraman il l'a eu. S'il nous écoute. S'il l'a eu, alors là. Putain, on a trois caméras pour expliquer. Il s'appelle Pierre-Manuel juste à côté qui filme et s'il arrive à nous avoir l'image, ça serait magnifique. Désolé. Après, il fallait vraiment être sur le nez et je pense qu'il a volontairement pas pris en se disant le mec est trop sale. Ça va, Julia, t'es en forme? Ça va super, Guillaume. Bon, moi, toute l'équipe va bien. Et tu me vous vois maintenant? Non, comme à la télé. Julien Stagiaire, je te fiche, c'est le gros salope. Voilà, ça commence comme ça. Message qui arrive. Bonsoir, Craig Gounette, des transports Freuvial, Juju, routier du 80 et GG le routier. Salut les gars. Bonne route. Gros problème, je suis bi, je l'ai pas dit. J'ai dit à mes potes, mais j'aime ma meilleure amie, je sais pas comment lui dire. Bonsoir, Elili. Bah comme Julia, la bille, voilà, donc on pourra en parler avec plaisir tout à l'heure. Oui, bien sûr. Si tu veux savoir comment le dire ou quoi. Ça va, Flo des cadeaux, ouais. Salut Guillaume, ouais, ça va tranquille. Ça va bien, ouais. Alors lui, ouais. Il est de plus en plus s'habille en mode surf. Alors, mais non, la planche. Il y a de moins en moins de gens qui s'habillent en mode surf. Ouais. Lui, il s'habille de plus en plus en mode surf. J'ai juste mis un sweat à capuche. Ah oui, c'est la première fois que tu mets un sweat à capuche. C'est vrai, bah, il fait froid là. Il a les cheveux longs, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est ce que Flo des cadeaux et les vêtements, c'est pas son truc. Par contre, on ne met pas un sweat à capuche, on le laisse pas ouvert, Flo des cadeaux. Soit tu le mets, tu le fermes. Je vais l'enlever alors. Une règle. Et le jean, je le vois pas. Là, il est bien ou pas de faux cadeaux? C'est un baggy. Salut Jessica, c'est Gigi du 73. Salut Gigi. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas écouté. Je bosse, mes passes. Les partiels. Mes passes, P-A-C-E-S. Je bosse ma passe, première année de médecine. Là maintenant, passe, première année commune aux études de santé. Bonne chance à vous tous et tout ça en place. Bonsoir Alia, salut, gros bisous Alia. Et bon courage et félicitations. Du coup, j'espère que la première année, je crois que c'est la plus dure. Ouais, exactement. Bon courage. Bon, bah si vous voulez venir faire une petite dédie, un petit coucou, un petit message, venir raconter un truc qui vous est arrivé, vous êtes à la maison. On se fera le clash de la semaine, hein, comme tous les vendredis. Là. On est en direct, il y a du foot ce soir, je sais. Il y a le PSG qui mène 4-0 contre Caen. Avec, un gros avec match. 4 buts de Cavani. Eh voilà. Bah, salut les Canets, bon courage à vous. Ouais, c'est pas fini. Allez, Caen, du coup, ce soir, on va voir, on essaye de dire. Ah, bah oui, ah bah bon, bon courage, Caen. Allez, Caen, moi, je suis toujours pour celui qui perd. Hein. Donc là, non, mais c'est vrai, non, mais j'ai. Faut qu'ils en mettent 5 pour gagner. Celui qui perd et c'est relou, quoi. Voilà. Bon, 4-0, ça vous prouve qu'on est en direct, c'est en ce moment le match. 55ème minute de jeu, là. Ok, voilà, il n'y a pas d'embrouille. Il y avait juste. Ah ouais, quadruplé de Cavani, putain. Pour une fois qu'il en met, il en met 4. Ah ouais, parce qu'il marque pas souvent, je sais. Il est un peu moyen en ce moment, non. Ah, il jamais Cavani devant le but, c'est pas Zlatan, tu vois. C'est un ouais, peu, voilà. Ouais. Bah là, la preuve que non. Hein. Ouais. Ah, pour une fois, c'est bien. Ouais. Hein. C'est quand qui joue très mal ou c'est lui qui joue très bien ce soir? Bah, j'ai pas vu le match. Hein. Ouais, donc, bah, je peux pas juger, malheureusement. Bon, en tout cas, allez PSG et allez Caen, du coup, ce soir, on verra qui gagne, du coup. Et puis Tristan qui est là, hein. Charleville-Mézières, 16 ans. Bonsoir, Tristan. Allô. Vous allez bien? C'est l'heure de la foi, je suis le chasseur de la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de ma. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va ou quoi, Tristan? Tristan, 16 ans, représente un des Ardennes. Le 08. Il pleut, putain, je suis trempé au niveau de la bite. C'est très bizarre. Non, mais je vous explique, parce que j'ai une moto, et du coup, quand la selle est mouillée, bah, tu l'enfourches. Et ben, c'est très cool. C'est au niveau de la tome, voilà. Ouais. Et au niveau de la tome et du cul. Et ça doit pas être agréable. Et ça doit pas. Bah, avoir le cul mouillé. Déjà, tu t'es souvent fait pisser sur le cul. Ah. C'est quoi cette question bizarre? Non, jamais. Non, c'est vrai que c'est, franchement, c'est hyper chiant. Non, mais le cul mouillé. Le cou mouillé, c'est chiant aussi. Et le quoi? Le cou mouillé. Merci. Une petite goutte dans le cou, c'est chiant. Ouais, non, voilà, mais bon. C'est vrai, on offrira tout à l'heure, il ne doit en rester qu'un. Ouais. Et on expliquera, je vais te dire que quand il a rien à dire, il ferme sa gueule. Non, mais merci, je le sens. De rien. On fera le juste prix aussi. Hein. Je vous offre des Xbox One S tout à l'heure, le clash de la semaine, le nouveau jeu et des cadeaux à filer sur Facebook ce week-end. Ouais, c'est ça, Guillaume. Ouais. On a Lenovo qui nous a filé une tablette avec un projecteur intégré. Je vous les filerai sur mon Facebook. Voilà, Guillaume Play, PLEY. C'est liké, on se retrouve là, sur la page. On est à 1 952 000. Ouais. Le classement des animaux les plus dangereux en France aussi, c'est assez marrant. Ouais. Vous allez être surpris. Qu'est-ce qu'il y a pour les cadeaux? Et le double 8. Et le double 8. Possible. Alors, Flo des cadeaux qui fait pour la première fois son travail. Il a raison de me le dire en plus, Flo des cadeaux. Et c'est assez rare qu'il soit aussi efficace que ça. Bravo. Flo des cadeaux, vous avez compris qu'il s'occupe des cadeaux à énergie. Il y a le double hit qui tombe ce soir avec la possibilité de gagner deux cadeaux. C'est quoi les deux cadeaux? Il y a l'iPhone 7 ou deux places pour 21 Pilots au Zénith de Paris. Voilà, on a déjà une boîte d'iPhone 7. Ouais. On a déjà l'iPhone 7 et on les a, et c'est fermé, on peut pas les ouvrir. Sinon, celui qui va le recevoir, il va pas être content. On a un iPhone 7 et ou deux places tout compris pour aller voir 21 Pilot, c'est vachement bien ça. Vous êtes de Paris avec le trajet, l'hôtel, tout ça là. Je suis le chasseur t'es la proie, ouais. Cavani qui marque, c'est aussi rare que j'ai un stagiaire qui pécho. Ah, j'ai un stagiaire, c'est une fois tous les 5 ans. Ouais, vraiment, j'ai pécho, c'est l'été, ça va. Heureusement que vous êtes là, salut Eric de Vigneux, bon sang dans le 91 aussi. Guillaume et votre dédicace. Essayez si vous êtes en voiture. On fait une pause dans l'émission. Tristan, tu vas nous raconter un truc un peu marrant parce que en plus demain c'est la journée du patrimoine. Ouais. Ah oui. Donc, c'est marrant tu parles de ça. Mais juste avant, est-ce que vous voulez passer une dédicace? Faites-moi confiance. Essayez là vraiment. Regardez, il est 22h07. Je mets une petite musique pression. JM du standard. Tu en es témoin? Ouais, tout à fait. J'écoute. J'ai un écran d'ordinateur devant moi. J'ai même envie d'envoyer une dédicace. Bah, hésite pas. Tous ceux qui vont envoyer un message. Allez-y là. Vous allez voir. Je vais lire votre dédicace. C'est assez marrant à faire. Je le fais une fois tous les mois. 3 minutes. Hein. Vous envoyez Guillaume au début de votre texto, un espace et puis un message pour une dédicace et vous l'envoyez au 6-11-12. N'oubliez pas la blague de JM du standard à 22h09. Ouais, ah, bonne minute. Non, j'y crois pas, Guillaume, le vendredi soir, c'est génial. Salut Audrey du 88. Ah bah oui, heureusement. Bisous. On est plus le dimanche, heureusement qu'ils ont fait vendredi. Ma chérie Sandy, je l'aime. Dédicace à la team des transports Frévial. Voilà, salut Anto et Marie, on vous écoute sur la route en partant en week-end au Futuroscope pour nos 6 ans d'amour après notre mariage. Gros bisous. Bonne route. Quel bonheur de pouvoir vous entendre encore 2 heures durant. Bonsoir à toi, Ghost. Une dame cherche sa petite sœur. Née sous X à Saint-Brieuc en août 94. Aidez-la à la retrouver. Ah bah ouais, bah faut le numéro alors. Ouais. Salut la Camille de à Oulin, à Porcine du 7-3. Tous les soirs, je vous écoute. Salut au CFA Automobile de Mâcon dans le 71. Salut Guillaume, c'est JM du standard. C'est toi qui envoyais ça. C'est ridicule. Le camion. Ah, c'est pour prouver que vraiment ça marche. Hein. Et je le fais, ouais. Salut Guillaume, on souhaite la bienvenue à notre petit prince Mathéo, on t'aime fort. Salut. Bonsoir à tout le monde. Salut Guillaume, Porcine du 7-3. Gros dédicace à 3e au collège Tiffaine de la Roche, Karine Play, à Mathieu Cornès. Voilà, vous pouvez relancer un petit dédicace. Nice, voilà. Flo, des cadeaux, ne met plus des t-shirts dégueux. Non, il s'habille un peu mieux là. Ah, il fait un effort. J'essaye. Ouais, il essaye de. Tu sens qu'il a fait le. Ouais, j'ai appris le. Le relooking. Non, tu sens qu'il essaie de faire un petit peu l'effort. on vous écoute sur la route direction Tignes. Salut, Charles du 25. Salut, ouais. Dans les Alpes. Dans le Doubs, ouais. Et du coup, direction les Alpes. Ouais. À Lou, Sarah, il y a Toussaint Charles. Voilà, Thomas du 27. Salut, frérot. À Aurore. Bonsoir à toi. Et dédicace à ma chèvre, hein, Jimmy l'agriculteur. C'est important. Au chauffeur de transport Jamais 86 en particularité. À Yano le Corse. Salut les Corses. Salut. Bisous. Carole, Transport TSM. Clément Berthaud de la Pro. Voilà, il y a plein de dédicaces qui arrivent, on va les lire. Et puis Tristan qui voulait parler des endroits secrets, des endroits privés, pas très communs, dans lesquels vous avez la chance d'aller. C'est ça, Tristan? Bah ouais, bof. Allez-y, explique un peu. Explique. Donc en gros, on a choisi avec mes parents ce week-end de monter sur Paris pour les journées du patrimoine. Ouais. Et on ne sait pas trop ce qu'on pourrait y faire. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on vient comme ça sur un coup de tête et on voudrait savoir un peu ce qu'on pourrait faire. Les journées du patrimoine, en fait, c'est, je crois que c'est gratuit, les musées, non? Ouais, c'est porte ouverte, en fait. Ah, il y a plein de trucs gratuits, c'est vachement bien. Même l'Elysée, hein, tu peux y aller. Même l'Elysée, exactement. Il y a François Hollande qui t'accueille. Non. Ah, peut-être, je sais pas. Non. Imagine le mec qui donne des conneries. Il dit peut-être. Président de la République qui sort les gros dons. Ah, mais c'est des fausses infos. Tu peux aller à l'Elysée. Vous êtes 1 million, écoutez, il y a peut-être des journalistes, stagiaires. Ils vont dire demain, ils vont mettre un poste comme ça, François Hollande vous accueille à l'Elysée. Je serais bien dans la merde, là. Ouais, ouais, j'avoue. Ah ouais. Attends, salut les potos, c'est bientôt l'anniversaire de ma chérie. Je ne sais pas quoi lui offrir. Salut mon Tony. Est-ce que t'as écouté l'album de PNL? Ouais, j'ai acheté même l'album de PNL. Ouais. Je l'ai acheté, j'ai téléchargé tout à l'heure, j'ai même payé. Il y a pas mal de morceaux. Hein. Moi, je crois que celui-là il est pas mal. La vie est belle. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. On fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chien. Il y en a qui dit, c'est même odeur que Jules. Bonsoir à toi. Non. Guillaume, et votre message, on lit tous les messages ici. On embrasse Jules d'ailleurs, qui est venu à l'émission. On a beaucoup regardé avec. Il a mis le nouveau aussi. Il a mis le nouveau, ouais. Tous les jours, il met le nouveau. 20h30. Attends, il y en a plein. Je me rapprocherai de l'enfer. Voilà. Là, c'est moi ou tu sais. Après c'est très posé hein, c'est tiré rendu pour manger. Tu sais rien, fuck vos interviews. J'aurais pu passer dans vos reportages de chien. Fallait qu'on vise, fallait qu'on vise, fallait qu'on fasse. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est tu sais pas. Ne m'aime pas. On découvre les albums. Tu me tombes sus, tu te craches, on t'énique pas. Ma, ouais. Tu es mon bif, wa. J'aime son putain d'accent. Tu es mon bif. Elle est belle, mais elle kiffe trop PNL. Je pourrais jamais lui présenter mes séquelles. Tu es à BD. Tu toucheras pas la balle. J'aime plus ça. Comment ça se passe dans la ville? Bébé, bébé. Bébé, tu sors une arme sans l'âme de Yama Yama. Y'a Uranus. Bien comme une vue sur la mer, as-tu comme une vue sur Uranus? 5-0 à l'instant. But de Lucas pour le PSG. Ah, oh, tu restes fidèle en Paris. C'est plus capable. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut brûler. Mon frère n'a pas de cran. Attends, c'est là. La meilleure, c'est jusqu'au dernier gramme, c'est pas mal ça. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la. Et il y avait La vie est belle, voilà, pour ceux qui voulaient. Quelques-uns pas mal quoi. Ouais. Formateur soigneur animalier, enfin moi. Salut, bisous à l'équipe, le chat, bonsoir le chat. Salut. Rodolphe, Alex et à Toussaint Do, bonsoir les mecs. Salut à Juju et Chloé, salut la team des poules. Au chauffeur agricole, à Eric Mutch AFM, salut 12 de Casseville. Oh, t'es toujours là toi. Merci Eric. Ah ouais, les fidèle. Animateurs de Chéri okay. FM, ils écoutent l'énergie. Ouais. Je sens que je vais briller. Je sens que je vais me faire virer quand j'aurai mes SMS. Salut, on transporte Steph de l'homme. Et salut les mecs des autres radios. Hein, si vous avez fait de la radio, on vous embrasse, hein, les gars. Bah oui. La blague de JM du standard, 22h09. On est encore en retard, on l'a fait. Ah. Et ensuite, on va parler des endroits où tu peux aller, Tristan, pour cette journée du patrimoine. Putain, c'est vrai. Hein. C'est demain, ouais. T'es déjà venu à Paris ou jamais, toi, Tristan? Ouais, une fois en 2010. D'accord. Il y a 6 ans. Ouais, il y a 6 ans et t'avais 10 ans du coup, voilà, 13 ans. Ouais. C'est plus grand. Charleville-Mézières, c'est pas très très loin en plus dans les Ardennes. Ouais, ça va. Non, en train, c'est 2-3 heures. Heures. Ouais, c'est à 2 heures. Ouais, ouais, tranquille. Ouais. Et ça vaut le coup quand même, Paris, de venir voir. C'est beau. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça quand même incroyable comme ville. Surtout la nuit, quoi. Je trouve ça. Bah, oui. Je trouve que Paris, la nuit, c'est. Ouais, c'est beau, ouais. Les quais et tout, ça fait ville moyenâgeuse. Quand tu vas dans le Marais, le centre de Paris et tout, c'est dingue. S'il fait beau, c'est bien. Ah, c'est vraiment complètement différent de ce que tu pourrais voir comme paysage dans genre aux États-Unis où tout est frais. Là, c'est vraiment des vieilles pierres et tout. C'est joli, moi, j'adore. Les boulevards. Ça fait un peu Jacques Léventreur. Ça fait un peu genre la nuit. Ah ouais. Il y a des petites routes dans le Marais où tu sais pas trop. La vieille ville. Je stagiaire est souvent dans le Marais. Bah, le Marais, non, franchement, pas trop. Et vous, salut Yves de Nancy. Salut. C'est un plaisir de te réécouter. Salut à Gux de Pornic dans le 44 et tout ça. JM du Standard, tu balances une blague. Ouais. Tous les soirs à 22h09, là il est 22h14, on est en retard. Et vous nous donnez une petite note hein, d'ailleurs. Ah bah oui, Guillaume, hein. Une petite note par texto au 612. Vous votez pour JM du Standard, on t'écoute. Alors en fait, c'est un couple qui cherche à avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas, tu vois. Donc ils vont voir un grand sorcier pour qu'il les aide. Et là, la femme magique. Elle tombe enceinte grâce au sorcier, quoi, tu vois. Seulement à la naissance, le petit il est tout bizarre, mais vraiment un truc qu'on n'avait jamais vu, quoi, tu vois. Il a un torse tranquille, il a des mains collées au torse, comme ça, et les pieds collés au torse, quoi, tu vois. Mais pareil, ils sont quand même contents, tu vois. Au bout d'un an,